quandam, rexque futurus. Épisode 29, le roman de Fergus et le roman du roi Ider. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bonne année à tous nos auditeurs, une très bonne année 2020 à vous pour la reprise de cette saison de Rex Quandam, Rexque Futurus. La dernière saison de Rex Quandam, Rexque Futurus sur Radio Kawa, comme vous l'aurez peut-être entendu. On avait fait publier notre dernier épisode juste après l'annonce, mais on l'avait enregistré avant, donc vous n'en auriez pas entendu parler, mais effectivement, Radio Kawa va toucher à sa fin... L'été, on aura une dernière émission, peut-être tous collectives en live depuis Paris. On va peut-être faire un événement spécial avec Rex Quandam, Rexque Futurus aussi. Mais oui, l'aventure Radio Kawa touche à sa fin, sous une forme ou une autre, sous existence précédente. Radio Kawa existait depuis plus ou moins 2007, sous l'identité de Radio 01, qui était devenue Radio JV, puis qui avait fusionné avec Radio Kawa, qui était la version généraliste. J'ai commencé sur Radio Kawa dans les premiers temps, à l'époque avec Aïcha, on animait Nobody Cares, une émission pop culturelle, puis après avec Laïs. Donc c'est une longue aventure qui touche à sa fin, qui se finit pas en autre boudin, hein, ça rassurez-vous, c'est juste que... Voilà, les gens qui s'occupent de Radio Kawa plus que nous n'ont pas forcément tout le temps, nous, qu'on a à dire des bêtises dans un micro pendant 3 heures pour parler de textes qui ne restent que nous. Il faut dire que Radio Kawa, c'était une expérience un peu unique dans le cas du podcast francophone ou même du podcast à l'international. Il n'y a pas tant de réseaux du genre qui existent. Ou en tout cas, pas aussi resserré, je dirais, avec une éditoriale forte. Il y a beaucoup de réseaux de podcasts un peu plus lâches où vous rejoignez avec votre podcast, puis voilà, vous avez un système de soutien, des infrastructures. Mais là, Radio Kawa, c'était vraiment un truc fort, quoi. Une identité collective marquée, j'ai l'impression. Plus que d'autres. Pour un temps en tout cas, puis les gens qui sont à la tête n'ont pas forcément l'énergie de faire ça gratuitement pour toujours, et il n'y a pas vraiment de gens qui ont l'énergie ou les compétences de reprendre, donc ça pose forcément un problème. Puis bon, évidemment, tu préfères toujours qu'un projet comme ça se finisse bien, puis qu'après, voilà, chacun va dans son chemin, plutôt que ça devienne un truc qui se termine justement en sous-version au fil que ça passe dans les mains de gens de moins en moins concernés par le projet à la base, quoi. Mais du coup, Rex Quandam, Rexque Futurus va continuer après la fin de Radio Kawa au sein de notre société de production qui s'appellera probablement CPS Production, du nom de C'est Pas Sourcé, notre chaîne YouTube. On ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'on blague dessus depuis qu'on a commencé à émettre l'idée, donc on va peut-être être obligé de le faire. Si vous avez une très bonne idée pour le nom de nos productions, n'hésitez pas. On serait une petite association suisse qui servira de cadre un peu juridique à toutes nos productions. Donc d'ici là, on vous redonnera des nouvelles d'ici la fin de l'année, disons la fin de l'année académique, disons le début de l'été, pour que la transition se fasse. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas vos podcasts, on restera... Alors je sais pas dans quelle légalité on sera par rapport à nos archives musicales, mais on aura peut-être un peu moins de musique licenciée. Ça dépend comment tout ça se goupille, on verra bien. On va juste réenregistrer tous les épisodes avec des versions au casou de toutes les musiques qu'on passait. Vu que la plupart sont quand même libres de droit, vu que c'est des chansons folkloriques ou bien de la musique classique, je pense qu'on n'est pas trop inquiété, mais c'est vrai que ce serait mieux si on les jouait nous-mêmes pour éviter d'avoir à payer des droits aux éventuels performers, si vu qu'on est pauvre. À moins qu'on crée un Patreon, on va créer un Patreon juste pour pouvoir payer mes playlists musicales. Et du coup, cette année 2020 va quand même être très arthurienne. Alors on a ça va être chargé. Dans les épisodes hors-série, on va voir, dans les versions un peu actuelles de la légende, on va voir la série Cursed de Frank Miller, qu'on annonce depuis longtemps, mais théoriquement, elle va vraiment sortir cette année. Lire le livre, hein, il est déjà sorti en fin d'année passée, je crois. Le livre est déjà sorti, mais forcément, on va essayer de parler des deux en même temps, probablement. Histoire d'éviter de faire 15 épisodes. Redonder. Et aussi, sur la scène francophone, la série arthurienne francophone comique de référence, une des rares bonnes séries françaises Kaamelott va faire son entrée au grand écran et même une entrée en avance. C'était prévu pour octobre, le film, mais finalement ils ont bien bossé et puis du coup ils vont le sortir plutôt fin juillet. Oui, il y a un trailer qui est déjà sorti il y a quelques semaines. Il y a Sting dans le film, ce qui est assez drôle parce que moi quand je l'ai vu j'étais là, tiens, il y a Sting. Et puis il y a mon deuxième neurone qui fait non, mais ça doit pas être Sting, ça doit être un acteur français que je connais pas. Si je dis il y a Sting dans le film, j'ai encore passé pour un inculte. Puis en fait, non, c'est vraiment Sting donc. Tout est possible pour ce film. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Moi, ça m'a frappé parce que j'ai vu ça, j'ai juste vu, je sais pas, vu le côté vraiment, il a l'air de pas se tenir aux îles britanniques, pour le coup, c'est vraiment pan méditerranéen, donc j'ai extrêmement l'impression qu'il essaie d'adapter l'intégralité de The World of Late Antiquity, l'ouvrage de référence sur l'Antiquité tardive de Peter Brown. Il y a un peu cette énergie-là, fin de l'Empire romain. La série avait déjà beaucoup cette énergie-là. Surtout vers la fin, il faut bien l'admettre. Mais effectivement, cette esthétique-là est pas trop mal, effectivement, ça a l'air joli. Bon, après, à voir combien de catchphrases énervantes ça va nous rapporter. Honnêtement, j'ai vu Frank Pitot dans le trailer, j'ai eu l'impression que je l'ai même pas vraiment tout de suite reconnu parce que je crois qu'il a plus l'habitude de jouer le personnage. Je sais pas, ça va être intéressant quand même. Ça va faire quoi, 10 ans bientôt que Kaamelott s'est terminé. Je crois que presque plus de 10 ans parce que la fin ça devait être 2009. Ouais, donc ça va faire bien. Mais du coup, ce qui est un peu dommage, enfin, on va voir si la transition fonctionne parce qu'un des gros problèmes c'est que Kaamelott, la grande force, c'est que beaucoup des blagues c'est qu'ils avaient pas de budget en fait. Donc est-ce que t'arrives à traduire l'énergie de cette série dont la blague c'était oh les batailles on les voit en fait ils sont en train de regarder la bataille mais on voit pas la bataille parce qu'on n'a pas le budget. Est-ce que ça marche si maintenant on a le budget pour faire 50 trébuchets en images de synthèse? Ou alors est-ce que ça marche si tu fais ça dans un cadre beaucoup plus épique que celui de la petite sitcom de télévision qui dure 3 minutes? Ne serait-ce que des questions de temps, c'est vrai que c'est pratique. Mais comme on l'a déjà dit, un des gros problèmes, c'est que clairement, la plupart des gens, M6 inclus, auraient voulu que Kaamelott, ça reste caméra café à la table ronde. Et puis bien sûr, Alexandre Astier a des ambitions un petit peu plus cinématographiques. Cela dit, je trouve qu'il y avait quand même un relativement bon équilibre dans les saisons 5-6 en termes de montrer ce qu'il voulait montrer. Et puis de... Non, il y aurait une certaine transition. Il y avait un équilibre quand même, tu vois, c'était pas que des batailles. Puis ce qui intéressait, c'était pas les batailles qui l'intéressaient d'ailleurs, non. C'est pas les batailles qui sont les plus intéressantes dans la matière de Bretagne. Et dans les romans qu'on lit, certainement, il y a des batailles, mais c'est pas la partie la plus importante, quoi. Mais du coup, cette année, on va probablement devoir faire en juin une rétrospective de Kaamelott, la série. Probablement une partie en live, peut-être une partie pour compléter, parce que bon, ça va être difficile de faire ça en une fois. Et puis, théoriquement, en juillet, on devrait sortir ces épisodes-là sur Kaamelott, la série. Et en août, début août, une fois qu'on a vu le film, on vous dira ce qu'on a pensé de Kaamelott, premier volet. On verra bien ce que ça donne, mais enfin, on se réjouit de suivre cette aventure avec vous. Cet été, beaucoup d'épisodes spéciaux de nouveau, un peu comme l'année passée. Ouais, on sait pas. Le plan, c'était de nouveau. Chaque année, on se dit, ouais, peut-être qu'à Noël, on arrivera à atteindre Thomas Mallory, le Morte d'Arthur. Non, chaque année, on repousse un petit peu. C'est pas si grave que ça, mais. Ça sera notre Graal à nous, quoi. Mais aujourd'hui, après cette petite introduction, de quoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui pour reprendre l'année, Antoine ? On va parler de deux romans arthuriens du XIIIe siècle. On va rentrer en douceur dans l'année avec des romans relativement courts, entre 6500, 7000 vers. Des romans qui font figurer des figures qui, pour l'instant, n'ont pas été centrales. Enfin, une d'entre elles, on la connaît. C'est la figure du roi d'Idair, fils de Nux, selon les... Un très vieux personnage, là. C'est un vieux personnage, il apparaît déjà dans Colloch et Olwen, il apparaît chez, notamment, Geoffrey, on l'a vu brièvement mentionné dans Le Lait du Corps, où il est nommé Idair. Donc à la base, c'est Edern ap Nudd, qui est un nom qui sonne un peu comme ça, bien gallois, mais en fait ça viendrait du latin, un emprunt au latin par le britannique, Aeternus, l'éternel. Aedern, je crois que c'est le nom d'ailleurs du chevalier femme dans Kaamelott, de façon intéressante. Il y a un des épisodes pilotes où il arrive justement un des épisodes non canon, on aura l'occasion d'en reparler. Kaamelott, où il y a un chevalier femme qui arrive à la table ronde et qui est accepté à la table ronde malgré les objections des ecclésiastiques de la bande, elle s'appelle Aedern justement, mais en l'occurrence notre Idair est bien un homme. Le roman qui raconte ses aventures a, disons, des influences diverses. Certains ont suspecté même des influences de norroises ou en tout cas scandinaves, avec peut-être Beowulf dedans, on vous en reparlera un petit peu. Et l'autre roman, là, c'est celui de Fergus, alors un nom peut-être un peu plus campagnard, plus rustique que celui d'Idair. Oui, alors celui-ci est beaucoup moins connu. Les deux romans sont très peu connus. Hein. Ils ont un ou deux manuscrits maximum. Le roman de Idair, le manuscrit n'est même pas complet. Ils sont assez méconnus, en tout cas en français. Fergus a eu une postérité un peu plus intéressante au hollandais. en néerlandais, où il y a le roman de Fergoot, qui est vraiment un classique, en fait. C'est devenu un peu comme on lirait Perceval ou le Comte du Graal à l'école, les petits néerlandais lisent Fergoot. Fergus, comme Ider, a beaucoup de points communs avec la légende un peu de Perceval, ou des personnages qui sont un peu Perceval adjacents. Donc il vit dans la forêt, un peu reclus du monde, il est un peu niais, il voit passer des chevaliers, il se dit « je vais les rejoindre », mais là, c'est beaucoup plus... ça a une dimension presque parodique, alors on pourra discuter si c'est vraiment une parodie, mais son armure est rouillée, son père veut le tabasser pour pas qu'il devienne un chevalier, enfin on a vraiment... on prend le truc à contre-pied. Pareil pour Ider, d'ailleurs il y avait une espèce de quête de l'identité, où justement il ne sait pas qui il est, et il doit retrouver notamment l'identité de son père. Il abandonne sa mère et sa grand-mère, et puis du coup, il les laisse éplorer. Donc on voit un grand parallèle avec l'histoire, cette espèce de structure de base un peu initiatique du roman, où le héros part à l'aventure, soit pour prouver sa valeur et puis mériter un mariage à la fin, soit pour se reconnecter avec ses origines. Dans les deux cas, le héros doit accomplir certains exploits ou prouver qu'il est d'assez haute noblesse, d'assez haute ascendance, pour mériter le mariage final. Alors on va commencer avec le roman de Fergus, et pour commencer justement on va parler peut-être des éditions des manuscrits. Où est-ce que vous pouvez lire ce texte? Oui, alors le roman de Fergus, d'ailleurs peut-être mentionner peut-être son auteur, il a un auteur qui se nomme Guillaume Leclerc, dans les deux manuscrits qu'on connaît, qui sont gardés à Chantilly et à la Bibliothèque Nationale à Paris. Ce Guillaume Leclerc, dont on ne connaît pas grand-chose, il y a d'autres Guillaume Leclerc, c'est un nom assez courant, notamment en Normandie, évidemment. En l'occurrence, on a pu suspecter qu'il avait vécu en Écosse, notamment parce qu'il y a beaucoup de références écossaises, on le verra dans le roman, mais ça ne semble peut-être pas être si sûr que ça. Toujours est-il que vous pouvez lire aujourd'hui dans trois principales versions, je dirais. Une version française, alors qui est celle qu'on a lue, elle se trouve dans un volume intitulé « La chevalerie des sceaux, le roman de Fergus et Trubert ». Alors Trubert, c'est un fabliau. Mais en l'occurrence c'est Fergus qui nous intéresse, bien sûr. Trubert qui est un fabliau, je préviens pour ceux qui prennent cette édition, Trubert c'est un fabliau qui est beaucoup plus cru et beaucoup plus sexuel, c'est un fabliau quoi, donc ouais. C'est pas exactement... C'est pas le même régime que voilà. Fergus, disons. Et alors dans cette version où les deux récits ont été traduits et présentés par Romain Wolf Bonvin, ça se trouve chez Stock, alors je trouve plus sûr que ce soit toujours édité, mais vous le trouvez en bibliothèque sans trop de peine, je pense. Une traduction toute simple, c'est vraiment un assez grand public hein, comme format, une petite introduction, une traduction d'assez gros caractère, pas de subtilité. Si vous voulez voir le texte original, il y a une édition anglaise qui est parue chez Allen à Philadelphie, éditée par Wilson Frescolin, donc de l'université de Willanova, dédiée à William Roach, un des grands noms de la matière de Bretagne anglophone. Guillaume Leclerc, The Romance of Fergus, il y a une bonne introduction avec un résumé, ça c'est la version en vieux français, mais il y a deux traductions anglaises contemporaines, l'une dans la collection Arthurian Literature par D.D.R. Owen, qui s'intitule The Romance of Fergus, tout simplement, et Fergus of Galloway, Knight of King Arthur, traduit de nouveau par D.D.R. Owen, c'est la même version, peut-être un peu altérée, a été publié aussi chez Everyman, une version peut-être en poche, plus grand public, plus facilement trouvable, en occasion dans un bouquiniste ou bien sur internet si vous voulez absolument la lire en anglais, disons. Moi je ne l'ai pas lu, je ne vais pas vous recommander la traduction anglaise particulièrement parce que je ne l'ai pas trouvée en bibliothèque. Donc on peut aussi la lire en anglais. Peut-être un mot sur la datation du texte qui pose un peu problème pour ces deux textes. Hein. Ouais. Ils n'ont pas eu beaucoup d'influence, c'est assez difficile de dater. Ils sont très référentiels, donc ils font référence à plein de choses, donc on peut les dater après certaines choses. Pour Fergus, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a des références qui incitent à penser. Alors évidemment, on incite à penser que c'est après Perceval, donc on est vraiment soit tout à la fin du XIIe siècle, soit vraiment au début du XIIIe siècle. Tu avais une référence dont tu pensais, toi, qu'elle pouvait indiquer quelque chose de plus tardif? Il y a justement, Wolf Bonvin remarque qu'il y a une mention d'un certain Wasselin qui n'est pas complètement identifié, mais si c'est Esselin qu'on trouve dans le jeu de la feuillée, qui est donc apparemment un jongleur qui a vraiment existé, ça pousserait ça plutôt dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, donc entre 1260, 1280, 1280. Mais la datation classique, c'est qu'en fait, on pense que c'est inspiré d'un certain Fergus qui aurait vraiment existé. À Galloway, Fergus, ouais. De Galloway. Et donc là, on pense plutôt entre 1209, 1241. Donc, première moitié du XIIIe siècle, ce qui serait assez cohérent. Ça indiquerait peut-être une dédication, disons, à la famille de Galloway, dont notamment Alan Fitzroland, le seigneur de Galloway, qui a une situation un peu similaire à celle de Fergus. Enfin, ce serait un descendant de ce Fergus, justement. Et il a une fille qui est mariée à John V Balliol, qui est un des grandes familles écossaises, de la famille anglo-normande, enfin scoto-normande à ce point-là, et c'est peut-être évidemment un, lié à ça, ça aurait été écrit par un auteur normand pour ce seigneur écossais, d'où les références écossaises. Et justement, Alan Fitzroland, donc le seigneur de Galloway, a vécu jusqu'en 1234, donc ça pourrait évidemment indiquer quelque chose aux alentours de ce début, cette première moitié du XIIIe siècle, premier tiers du XIIIe siècle. C'est difficile d'être précis, en tout cas le style, pour moi c'est très clair qu'on est dans un truc post-chrétien, toutes les références à chrétien dedans là, sont vraiment sur cette ligne-là, donc je pense pas qu'on puisse vraiment... Ça me paraît très bizarre que ce soit un truc si tardif, surtout vu le style vraiment assez classique de ce roman en vers. Imaginez ça bien après les grands romans en prose, c'est difficile quoi. C'est pas improbable, mais c'est pas impossible, mais c'est improbable, je dirais. Sinon, ouais, la date donc peu conclusive. On a deux manuscrits, c'est pas non plus énorme. Ça se lit franchement très bien, je trouve. C'est assez agréable à lire. Il y a pas un style trop répétitif comme parfois. Narrativement, c'est plutôt bien ficelé. Il y a des moments intéressants dedans, mais ça reste quelque chose d'assez classique finalement comme roman de chevalerie. Il y a peut-être un peu plus d'humour, la main un peu plus lourde sur certaines choses, surtout l'ouverture, comme on va le voir dans un instant. Un côté un peu slapstick par moments. Et donc, l'histoire de Fergus commence à la Saint-Jean. Saint-Jean d'été. À la Saint-Jean d'été, donc en fin juin, autour du solstice d'été, par une chasse, la chasse du cerf, assez standard comme début des romans arthuriens. Fergus n'est pas à la cour d'Arthur, mais il est dans la forêt. Il est en train de travailler la terre avec un vilain de son père. Et il voit passer ses chevaliers, donc là c'est très le motif Perceval. Et il se dit, j'ai envie d'en faire partie. Il interroge quelqu'un du cortège pour savoir où ils vont, ce qu'ils font. Et il se décide, il faut que je devienne un chevalier. Il prend sa massue, il abandonne sa charrue sur le lieu du champ qu'ils étaient en train de travailler. Il prend le cheval et il va voir son père et sa mère pour leur dire, papa, maman, je veux devenir chevalier. Mais il y a un petit problème, c'est que son père n'est pas chevalier, il n'est pas noble d'ailleurs. Son père est un vilain en fait. Mm-hmm. Son père est un... Alors c'est un seigneur, il possède une tour assez forte. Il est du côté... Alors ils sont les chassés du côté de l'Écosse, du sud de l'Écosse, autour de Glasgow en fait. Il y a beaucoup de références, on le verra géographique. Donc en l'occurrence c'est Glasgow, clairement. Et ils redescendent en fait vers le Pays de Galles, visiblement au moment où ils trouvent la tour justement du père de Fergus près de Galway, enfin ce serait au bord de la mer d'Irlande en fait. Et ce vilain qui est son père possède une tour forte, mais il règne sur le pays alentour, mais n'est pas un noble en fait. Il a épousé une femme noble, donc Fergus est de noble ascendance, mais pas par son père qui est du coup plutôt rustaure, qui veut pas que son fils parte parce qu'il a besoin de lui pour faire pour labourer la terre, pour faire la moisson et tout. Donc il est pas extrêmement heureux à l'idée que son fils le quitte, et donc il le tabasse un peu, il le traite même de fils à putain, ce qui est pas pas extrêmement sympa pour sa femme, disons. Je vais vous lire la scène, mais disons Fergus est vraiment vu comme un gros rusto, c'est-à-dire qu'il va vers son père, il a vraiment une massue, donc c'est vraiment l'homme des forêts, l'homme sauvage, le vilain avec sa massue. Puis du coup il arrive vers son père, il lui dit « Père, par Dieu, donnez-moi donc des armes et adoubez-moi avec elles. » Je vous lis un petit extrait. « J'irai à la cour servir le roi, quoi qu'il doive m'arriver. Je ne renoncerai à y aller pour personne, ni pour tout l'Empire de Rome, quelque tour que cela prenne. » En l'entendant, le vilain, donc son père, se rue sur lui un gros bâton à la main. Si on ne l'avait retu, il l'en aurait déjà bien frappé à le jeter à terre. Mais sa noble femme bondit. Elle étreignit son mari par les bras et le tint tranquille un moment. À mon idée, son fils aurait certes été estropié si elle ne l'avait fait. Alors le père se lance dans des propos hargneux bien dignes d'un vilain. « Fils de putain, d'où vous vient l'idée de chercher des armes et d'en réclamer? Votre devoir est de garder les bœufs et les vaches comme le font vos autres frères qui vont chaque jour au champ et qui portent des peaux de mouton. » Donc c'est très Uncle Owen, le début de Star Wars. Oui, c'est ça. C'est encore plus le début de Star Wars que Perceval, honnêtement, avec l'idée que non, mais tu dois rester bosser au champ. On a besoin de toi pour la première moisson d'humidité. Et puis justement, sa femme le calme et lui dit, non, mais si ce garçon a besoin, donc il y a toujours cette idée très génétique de la chevalerie, elle dit, si il a des envies de chevalerie, c'est que je suis noble, donc il y a le gène récessif de la chevalerie dans mon lignage. Et ça ressort chez lui. Et du coup, il se dit, ah bah oui, c'est vrai, tiens, il est bon, je me suis un peu énervé. Et puis aussi, j'aime bien, il le traite de fils à putain, donc il y a sa mère qui est là, qui s'énerve un petit peu, non, mais oh, dites donc. Puis il dit, oui, puis il dit, vous avez calomnié ma vertu, etc. Et donc, ils vont chercher dans un coffre, qui apparemment des armes qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Guillaume Leclerc nous dit « Le haubert était tout vermeil, donc rouge, exactement comme le soleil quand il se lève vers l'Éthiopie, mais ce n'est dû en rien au rouge sinople ou à la teinture de Brésil, sachez-le, il était plutôt quelque peu rouillé. Il avait pourtant la maille bonne et solide afin de garantir tout homme de la mort. Le haume aussi était affreux, tout couvert d'une méchante rouille comme le haubert. » Donc il commence comme un chevalier rouge, mais rouge parce qu'il est tout rouillé, donc là il y a vraiment quelque chose d'assez comique. La suite de l'histoire, c'est que Fergus est agressé par, en chemin sur la cour, il est agressé par des vilains, il les défait et il tue deux des voleurs qui voulaient l'agresser et il leur coupe la tête, les accroche à sa selle et les amène à la cour. Je voudrais juste parler d'un petit passage qui est assez intéressant au tout début justement du roman, c'est sur la question de la cour, qui est assez marrant, c'est-à-dire que récemment il y a beaucoup de, on va dire, de fanfic arthurienne qui mettent en scène des chevaliers un petit peu homosexuels, et beaucoup de gens disent non mais ça n'a rien à voir, c'est pas connu de cet univers, etc. Et je pense que, bon, déjà ils ont beaucoup de passages arthuriens qui dénoncent l'homosexualité, donc ils connaissent en tout cas le concept, mais vous avez des passages qui laissent quand même perplexes. On lui dit par exemple au tout début, donc vraiment vers 24 du roman, Monseigneur Gauvin avait saisi par les doigts son camarade dont le nom était Monseigneur Yvain. Il l'aimait d'une amitié telle que nul n'en avait jamais vu de plus belle. Jamais Achille ni Patrocle n'eurent davantage d'affection l'un pour l'autre que ses deux compagnons. Donc l'amour, l'amitié entre Yvain et Gauvin est quand même comparé directement à l'amitié entre Achille et Patrocle. Alors bon, le problème, c'est que bien sûr, dès l'Antiquité romaine, nous, évidemment, quand on va directement lire l'Iliade, on voit Achille et Patrocle comme généralement homosexuels. Bon, il y a des gens qui sont très sceptiques aussi, mais globalement, c'est comme ça qu'on les lit. Mais dès l'Antiquité romaine, Achille a été réécrit pour être un amant hétérosexuel, tout ce qu'il y a de plus respectable. Cette dimension de son personnage a été particulièrement soulignée. Il y a des gens qui continuent à le montrer comme particulièrement les hommes, comme Ovid, mais ça s'est continué au Moyen-Âge. Maintenant, le roman de Troyes, donc de Benoît de Saint-Maur, qui est une des mises en scène les plus populaires de la légende de Troyes au Moyen-Âge, continue à présenter, conserve une espèce de trace de son homosexualité, c'est-à-dire qu'il y a Hector qui lance une espèce d'insulte à Achille et qui lui dit... Il dit le compagnon que j'ai tué, Patrocle, justement, que tant de fois vous avez senti entre vos bras tout nu à nu, ce sont des actes ignobles qui déplaisent aux dieux, etc. Donc il y a des imprécations assez homophobes sur leur relation. Ce qui laisse penser que cette comparaison au Moyen-Âge, ouais, je me demande vraiment comment il la recevait, parce que c'est pas impossible que ça sous-entendait quelque chose sur... Que cette analogie était plus proche de ce que nous on voit que ce qu'on pourrait penser, quoi. C'est vrai que c'est possible. Après, bon, il y a relativement peu de choses de ce genre. Il y a peu d'accusations du genre. Et même quand c'est traité pour nous de façon assez... qui nous semblerait plutôt explicite, il y a beaucoup, effectivement, une façon... J'ai pas envie de dire que c'est absolument pas le cas et que personne ne va y penser mal, parce que c'est clair que par moments, on a des allusions à ça. Et comme tu dis, dans le roman de Troyes, c'est assez clair. Après, je pense que ça dépend vraiment de l'époque aussi. Et ça doit dépendre aussi des endroits et des milieux sociaux. Non, c'est clair, mais c'est que la référence à Achille et Patrocle est quand même bizarre. Oui, non, ça c'est vraiment particulier. C'est assez étrange, parce que même dans la version, je crois dans la version en prose du roman de Troyes, par exemple, ça, je crois que ça passe à la trappe, mais on a quand même Achille qui dit, par exemple, que Patrocle est l'être qu'il aime le plus au monde, etc. Il y a quand même besoin de ça pour l'histoire. Mais c'est clair, mais disons, dans les romans arthuriens, c'est pas inconnu. Typiquement, on avait Lanval, Guenièvre, qui lui disait « Ah, je vois bien que vous n'êtes pas intéressé par les femmes, parce que vous préférez traîner avec de jeunes hommes croyants. » Voilà, c'est clair qu'il n'y a pas la même conception de la sexualité qu'on a, nous, de toute façon. Mmh. Et même typiquement dans ces romans de chevalerie, et Fergus est un particulier bon exemple, on a tout le temps des hommes qui mènent d'autres hommes par la main... Ils s'embrassent sur la bouche comme des dignitaires soviétiques. En tout bien, tout honneur. Comme des bons dignitaires soviétiques. Des bons dignitaires soviétiques. théorie de la table ronde. Et même aujourd'hui, suivant où tu vas dans le monde, c'est pas forcément la même signification de se tenir par la main, d'être proche, de s'embrasser même. Donc, évidemment, difficile de peindre un portrait net et clair. Après, là, effectivement, l'allusion à Achille et Patrocle, c'est quand même. Ça fait lever le sourcil, disons. Ça fait lever le sourcil. C'est quand même ironique. Mais c'est clair que pour les gens qui écrivent ces textes, en général, c'est plutôt vu de façon assez mal. Vous rappelez aussi, dans la continuation de Gerbert de Montreuil, quand Perceval accomplit l'épreuve du siège périlleux, on a des gens qui sortent de terre, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient été engloutis par la terre parce qu'ils avaient essayé de s'asseoir sur le siège périlleux sortent de terre et ils disent « Ah, on était en enfer et puis on a vu les homosexuels, c'est vraiment pas terrible ce qui leur arrive là-bas, ils sont en train de cramer. » Puis Arthur qui dit « Eh ben, j'espère que ce témoignage pourra garantir à tout le monde que c'est pas une bonne idée de préférer les jouvenceaux aux demoiselles. » De bon, il y en a... Non, c'est très... Ils se tournent vers la caméra puis ils vous disent « C'est pas très bien. » Donc, ils connaissent le concept, ils sont pas vraiment pour, en général. Oui, ça c'est... Ça reste assez longtemps, même les portraits que fait Chaucer, par exemple, de ses pèlerins dans les Canterbury Tales, il y en a un ou deux qui sont un peu décrits de façon plus ou moins ambiguë, disons. Ambiguë. Pour mais parler donc, poliment. Ça, c'est un peu l'ironie du début, mais ce qui va nous intéresser, c'est qu'on continue un peu dans la lignée de Perceval, c'est-à-dire qu'il arrive à la cour, et puis il y a Que qui dit « Oh, mais si vous voulez être un chevalier, il faudrait que vous alliez tuer le chevalier noir !» Puis alors, c'est exactement ce qui se passait dans le conte du Graal, Que qui met au défi, un peu pour blaguer, ce nouvel arrivant d'aller tuer le chevalier qui menace le royaume. « Arthur est triste, tu m'as fait perdre un bon chevalier, etc. » C'est exactement la même chose. Mais c'est quand même un peu différent dans la structure, parce que même si effectivement il est parti de chez lui avec ses javelots, puis en laissant sa mère qu'il ne le reverra jamais éplorer, on ne sait pas pourquoi il ne la reverra jamais, parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas revenir chez lui. Enfin, bref, il y a ce côté un peu, il y a aussi le côté de l'exploit qu'il fait, c'est un peu découplé. Chez Perceval, il y avait simplement la bataille contre le chevalier rouge qui remplaçait un peu à ce petit naïf qui bat un chevalier comme ça. Là, c'est un peu découplé. Il est d'abord attaqué par des brigands, justement, comme tu l'avais dit. Il en coupe la tête de deux. Et puis, du coup, ça montre à quel point il est quand même déjà prodigieux. Et de la même façon, il est armé chevalier quand même avant de récupérer les armes du chevalier noir. Notamment parce qu'il reste chez le chambellan d'Arthur, il dort dehors, il sait pas trop quoi faire, il dort dehors dans une petite bourgade, et puis il y a une demoiselle qui le voit et qui lui dit bah venez chez moi, puis il dit mais je sais pas si votre père va me laisser venir, etc. Puis il dit non mais venez, et le père lui prend et lui dit bon bah Fergus, il faut qu'on si tu veux être un chevalier, il faut qu'on t'adoube. Et puis il dit mais mon père m'a adoubé. Puis il dit mais non, ton père peut pas t'adouber parce que ton père est un vilain. Si tu veux être adoubé, il faut t'adouber par quelqu'un qui a déjà l'ordre de chevalerie, bien sûr, la légitimité, la succession épiscopale. Et puis il faut qu'il t'impose les mains pour la continuité des apôtres d'Arthur. Mais ce qui. Puis du coup, il le ramène. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'au départ de la cour, il se fait attraper par un chambellan, puis il lui dit attends, il faut qu'on t'amène à Arthur pour qu'il t'adoube. On le ramène à Arthur, qu'il adoube, il peut être chevalier, puis là, il peut enfin repartir. On lui fait d'ailleurs des grands honneurs quand on l'adoube, mais on dit que tous les grands chevaliers de la table ronde servent à son adoubement, lui attachent les éperons. Ah non, là, c'est la totale. Il y a, je crois, Yvain qui lui attache les éperons, Gauvin qui lui ceint l'épée. Ils sont tous. Perceval lui donne l'épée. L'épée lui est donnée par Perceval. Non, c'est vraiment extrêmement. C'est très our special boy Fergus. Alors mon osset a été adoubé par Gauvin. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a vraiment un côté. On verra aussi dans Ider où on fait référence à tous ces chevaliers, à toutes leurs histoires, et tout le monde est là. Fergus peut-être plus que dans d'autres, parce qu'il y a vraiment une allusion systématique dès le début. Quand Perceval, au début, pendant la chasse au cerf blanc qui introduit le récit, c'est Perceval qui tue le cerf blanc, et quand il arrive, on dit ah, il laissait Perceval monter sur le cheval qu'il avait volé au chevalier rouge. Il y a vraiment toute une référence qui me semble presque plus. Ider est un personnage arthurien plus ou moins établi, alors que Fergus c'est pas le cas. Peut-être justement parce que Fergus c'est pas ce personnage déjà connu qui a besoin de renforcer son association arthurienne en le mettant dans une succession de références et en l'établissement comme. Mais bien sûr qu'il est arthurien, regardez tous ces chevaliers que vous connaissez et que vous aimez sont potes avec lui. Donc il y a vraiment ce côté-là un peu de renforcer son appartenance. C'est arthurien. Un peu la formule standard de ce genre de roman isolé. On n'a pas vu beaucoup, mais on va en voir beaucoup cette année. C'est généralement justement un chevalier qu'on n'a pas trop vu qui devient à la cour. Il devient pote avec Gauvin. Généralement, il devient pote avec Gauvin qui est un peu le chef bro. Il se brouille avec eux et puis il devient pote avec Gauvin. C'est généralement ce qui se passe. D'ailleurs, comme dans Perceval, il y a un sot, en l'occurrence c'est un fou, un sot, qui fait une prédiction, enfin c'est pas une demoiselle en l'occurrence, mais qui fait prédiction que le jeune homme en question, Fergus, va accomplir les exploits et que s'en mordra les doigts, et effectivement que essaie de balancer le fou en question dans le feu et se faire tenir. Mais donc la quête de Fergus continue, parce qu'il va d'abord rencontrer sa dame, il va arriver... De nouveau comme dans Perceval, hein. Comme chez Perceval, il arrive au château Lidl. Au château de Lidl. Lidl. Il rencontre Galienne, la nièce du châtelain. Elle dit qu'elle est amoureuse de lui, mais il dit non, je ne reviendrai et consommerai votre amour que quand j'aurai rempli ma quête. Je suis voué à la quête pour l'instant, je ne peux pas faire ça. Il y a un portrait psychologique assez intéressant de Galienne, j'ai trouvé. Ses tourments amoureux sont assez bien détaillés. Enfin, c'est vraiment bien peint. On va voir qu'elle est au bord du suicide à un moment parce qu'elle croit qu'elle va être perdue. Mais D'ailleurs, quand Fergus dit qu'il doit partir en quête, qu'il doit continuer sa quête, elle va essayer de partir dans le Lothian, au sud de l'Écosse. Autour d'Édimbourg, en fait. Autour d'Édimbourg, chez son père, pour essayer d'oublier tout ça. Fergus, il va faire sa quête, qui est un peu une formalité du chevalier noir, qui doit aller sur une montagne, la montagne noire. Nukestran, ça s'appelle. C'est pas un lieu réel en Écosse. Enfin, on a essayé de trouver où c'était en Écosse, mais je pense pas que ce soit nécessairement un lieu réel. La montagne noire, en fait, effectivement. Et il arrive dans une espèce dans la chapelle où il est censé prendre un corps et une guimpe. C'est ce que l'a mis au défi de faire que. Puis apparemment, c'est ça qui va déclencher le combat. Mais devant l'entrée se dressait un vilain, je vous lis, énorme et prodigieux, d'aussi hideux jamais vous n'en avez vu, coulé dans les reins, il portait à la main un maillet d'acier très massif et très pesant, sachez-le, il ressemblait à un homme de chair et de sang. Et donc moi je pensais que c'était une de ces statues animées qui allait le tabasser, mais en fait non, la blague c'est que justement il se fait une frayeur bleue alors qu'en fait c'est une statue qui est là pour effrayer les gens. Il prend le corps et la guimpe sur une statue de lion sculptée dans l'ivoire, il les emmène, le chevalier noir va le pourchasser et une fois qu'il a sonné le corps, le chevalier noir va venir le combattre. Fergus arrive à le battre assez bien, mais alors qu'il va le tuer, il dit « Bon, non, je peux t'envoyer, je t'épargne si tu vas à la cour te constituer prisonnier. » Fergus a donc fini cette quête-là. Il essaie de revenir pour retrouver Galienne, mais il apprend justement qu'elle est partie. Alors, Le vieux châtelain lui dit « Ah, ma nièce est partie, c'est terrible. » Il lui pose quelques questions sur le chevalier noir, mais lui, Fergus a complètement été, en fait, à réaliser l'amour qu'il avait pour Galienne là, en fait. Il était pas tellement... Il était trop concentré sur sa quête d'avant, alors qu'elle, elle lui disait « Ah, mon cœur est à vous !» Puis il dit « Je sais pas où il est, votre cœur, moi !» Puis « Non, non, il est à vous, vous l'avez pris !» Puis là, maintenant, l'amour le frappe d'un coup, en fait. Ouais. Et du coup, il y a toute une espèce de dialogue entre le vieil homme qui lui pose des questions, puis lui qui essaie de penser où Galienne est. Et il fait un vœu, finalement, de ne pas accepter d'hospitalité jusqu'à ce qu'il ait trouvé où se trouve Galienne, et part pour aller justement chercher la jeune fille. Alors il y a une succession d'aventures qui se passe dans une espèce de forêt aventureuse. Enfin, il y a plusieurs aventures successives où il tombe sur des... Il défait des chevaliers. Là-bas, il y en a un où il se fait agresser par le nain d'un chevalier. Puis le chevalier ensuite, il l'envoie à la cour d'Arthur. Ensuite, il se fait un chevalier brigand qui essaie de lui voler son cheval. Mais de nouveau, il le bat et l'envoie chez Arthur. Puis il tombe sur une espèce de hutte de charbonnier dans laquelle il y a 15 bandits. 15 chevaliers bandits. Il arrive, puis il est affamé à ce moment-là, parce qu'il n'a pas mangé depuis longtemps, il n'a pas eu d'hospitalité, donc il décide de s'attabler et puis de prendre part à leur festin sans vraiment leur demander. Puis eux, ils sont un peu offensés, ils lui disent non, bon, du coup, on va prendre ton cheval et tes armes et tout pour le prix de la nourriture que tu as prise. Ouais, il prend littéralement la broche des chapons qui tournent sur le feu et il commence à lui manger tellement il est affamé. Et après, justement, il se bat avec quand ils essaient de le saisir, il dit ah non, on ne réglera pas la question avant que j'ai fini mon repas parce que chez les bonnes personnes, on s'attable, on ne fait pas de question de qui réglera la note jusqu'à la fin du repas. Et il se bat avec cette broche et son épée jusqu'à ce qu'il tue 13 des brigands à lui tout seul. Il a vraiment un côté personnage de jeu vidéo un peu, Fergus. C'est une espèce de combo entre Drill et un personnage de jeu vidéo. Oui. Parce qu'il arrive et il fout le bordel en gueulant. Puis après, il se bat comme un malade. Et justement, il tue tous les brigands à l'exception de deux qu'il envoie de nouveau à la cour d'Arthur. Et c'est là qu'on se déplace temporellement. On est à peu près à la moitié du roman à ce moment-là. J'aime beaucoup d'ailleurs le fait qu'il y ait une scène comme chez Ider. C'est un de ces points communs qu'on ne voit pas quand on est en train de faire la programmation. Mais il y a une scène où quelqu'un se bat avec une broche avec de la volaille dessus. Oui, effectivement, on y reviendra dans Ider. C'est vrai que c'est un thème. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a déjà parlé du fait que beaucoup d'auteurs ont un peu leur blessure de prédilection. Donc il y a certains auteurs, c'est il a traversé le bouclier puis il l'a transpercé. D'autres, c'est il est tombé, il s'est cassé le bras. D'autres, c'est il s'est cassé la jambe en tombant. Certains auteurs préfère certains types de blessures. Là, dans Fergus, plusieurs fois, Fergus, il prend la broche et il tape un des vilains avec et il lui fait sauter les yeux. Apparemment, il lui fait sauter les yeux hors de leurs orbites, donc un peu cartoon. Pour moi, c'est ça. Puis il leur détruit le cœur aussi. Il a genre une espèce de technique ninja secrète où il atteint leur cœur puis le cœur explose. C'est un truc vraiment très, très bizarre. Donc effectivement, on est à peu près à la moitié du roman et la focalisation se déplace là, à la cour d'Arthur, brièvement, où on voit arriver d'abord... Alors, ils sont en train de se demander, qu'est-ce qui va arriver à ce pauvre Fergus qui allait se battre contre le chevalier noir. Ils voient arriver le chevalier noir, ils disent « Ah, mais ce chevalier là-bas a l'air blessé, horriblement, en mal en point. Est-ce que c'est Fergus ?» Puis Gawain dit « Non, c'est le chevalier noir qui terrorisait votre royaume, sire. » Et effectivement, c'est le chevalier noir qui accepte qu'il a été vaincu par Fergus et puis qui donne le corps et la guimpe à la cour d'Arthur. Et on lui pardonne bien aisément, on lui permet de rester à la cour. Puis on voit arriver en succession le chevalier avec son nain et sa demoiselle, plus le chevalier bandit, puis les deux derniers chevaliers bandits de la bande que Fergus a battu. Et on comprend effectivement que Fergus a fait exploit parmi exploits. Sauf que dans l'intervalle, Fergus, le narrateur en profite pour faire un petit saut temporel. On arrive sur un Fergus qui erre depuis un an, qui est devenu tout fin, émacié, qui a une barbe immense. Une espèce d'épisode de folie où il a justement perdu un peu la raison, mais il trouve une fontaine qui lui permet qui a une eau magique qui lui permet de retrouver ses esprits. Et en fait, elle est gardée par un nain qui dit à Fergus justement cette fontaine permet de retrouver tes esprits, de perdre un peu ton futur, et lui dit que il succédera à récupérer sa bien-aimée si il va battre Dunotar, donc c'est un château qui se trouve près d'Aberdeen au nord-est de de l'Écosse, oui, près d'Aberdeen, et c'est un château qui se trouve sur l'océan d'ailleurs. En fait, c'est un très joli endroit. J'y suis allé il y a quelques années. Et là-bas, il se trouve un écu brillant ou un écu blanc, et il va battre la vieille qui garde l'écu parce que la personne qui transporte cet écu lumineux ne pourra pas être battue. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a l'idée qu'il ne pourra pas être battu, il sera plus ou moins invincible. Il sera presque invincible. Ou alors, c'est qu'il croira qu'il est invincible et qu'il n'aura plus peur. En fait. c'est un peu ambigu comme ça. Mais enfin, c'est un château bâti sur un rocher sur la mer qui n'a qu'une seule entrée. Effectivement, si vous allez à Dunedin, vous verrez que c'est un château vraiment sur un rocher au bord de la plage, et il faut monter sur une espèce de petit pont en pierre qui amène là-bas. On ne peut pas monter à cheval, c'est difficile de monter à cheval. Donc le récit, effectivement, est très proche de la réalité ici. Donc, est-ce que c'est vraiment... on peut se demander si c'est vraiment un auteur qui simplement connaissait un peu les châteaux écossais, hein, c'est aussi possible. Il est gardé justement par une vieille géante, en fait, qui se bat avec une faux. Ouais, je vais vous lire le passage. Il faut juste dire qu'en allant, il doit aller d'Angleterre jusqu'en Écosse, il doit passer par un bateau, et de nouveau, quand il est sur le bateau, il y a des types qui veulent s'emparer de ses biens et il tue tous les... Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que là, en allant sur le bateau, il passe à travers le Lothian, donc en fait, là où se trouve sa bien-aimée sans qu'il le sache, il reste au château des Pucelles. Alors, est-ce que le château des Pucelles est censé être Édimbourg ? Tout le monde dit que c'est Édimbourg, mais... Je comprends pas pourquoi. Il y a des allusions au château des Pucelles chez Yvain, il y en a des châteaux des Pucelles, il y en a tout le tour du ventre. Mais hein. Apparemment, tout le monde, c'est régulièrement, je vois que c'est... Oh non, c'est Édimbourg. Géographiquement, ça ferait sens, parce qu'après, il va à Port-la-Reine, donc ça, c'est assez clair que c'est Queen's Ferry, qui est un port dans le Firth de Forth, donc là, l'espèce de grand fjord qui sépare Édimbourg du nord de l'Écosse. Et il traverse sur un bateau, et justement, l'équipage du bateau essaie de le battre, enfin de le prendre en otage pendant la traversée. Et en fait, il arrive à tuer tout le monde sauf le maître du bateau, le capitaine, qui saute à l'eau. Et du coup, c'est Fergus qui doit guider le bateau tout seul jusqu'à Dunfermline, donc Dunfermline, de l'autre côté du Firth, dans le Fife. On dit qu'il y a un château sarrasin, je comprends pas bien pourquoi c'est un château censé être sarrasin. Peut-être que c'est censé être un château viking éventuellement, ou norrois, mais enfin, c'est un peu bizarre. Mais toujours est-il que Fergus se met en route, et après 2 mois de voyage, ce qui effectivement est un peu long, mais traverser cette région-là assez montagneuse de l'Écosse, au nord du Fife, c'est compréhensible, il trouve finalement le château. Et il voit la lumière, en fait, du bouclier. Il voit la lumière, c'est-à-dire que le bouclier, on savait qu'il était lumineux, puis il disait, c'est comme ça que tu le trouveras, d'ailleurs, parce qu'il illumine toute la campagne autour, en fait. Donc, il faut imaginer la nuit, juste... Une espèce de phare. Une lumière à 8000 watts qui sort de la tour. Je vous lis juste le passage. Il se dirige alors vers la tour. Plus il s'en approche, plus elle lui plaît. Une clarté naît de l'écu, pareil au soleil radieux. Il n'y a pas de clair assez savant au monde entier pour dépeindre sa vie durant le dixième de la beauté contenue dans cet écu précieux. Si j'avais donc mis tous mes soins à décrire et à raconter, je ne pourrais faire meilleure œuvre de poète sur ce que je sais de sa beauté pour l'avoir trouvé dans un écrit. À vrai dire, sachez qu'il est tel que ne peut le regarder personne qui existe dans cette vie terrestre, pas plus qu'il ne contemplerait en été le soleil de plein midi. Donc on comprend peut-être pourquoi c'est facile de se défendre avec, parce que les gens n'arrivent pas à vous regarder sans être éblouis. Et je m'étonne fort d'une chose, que celui qui ne le fit ne devint pas aveugle en voyant de près un tel éclat. Donc, à moins que ce ne fût un être féerique, un être fée, qui est une qualification qu'on a aussi beaucoup appliquée à Fergus, parce que tout le monde est impressionné par ses compétences. Et son bouclier, surtout. Au grand galop, rien abandonné, il parvient à une chaussée par où on accédait à la tour, comme tu l'as dit, par une espèce de pont. Et là, c'est un combat qui fait très Dark Souls, très From Software, où t'as un combat contre une vieille géante moche avec une énorme faux qui détruit des parties du décor pendant le combat. Sur le pont, il voit la vieille debout, laide, hérissée, et sur son épaule, la faux dressée. Elle avait les moustaches longues et tressées, entre les deux yeux une largeur de 2 pieds, les dents aiguës, jaunes et larges, elle avait tout d'un diable ou d'un démon. D'aussi loin qu'il était visible dans le lointain, elle se mit à pousser un sifflement aigu et à manifester une joie intense, se figurant aussitôt l'avoir blessée ou tuée. Fergus la vit, il en fut tout songeur, il fonça dans sa direction à vive allure, la vieille leva le mufle et commença à froncer le sourcil. Quand elle le vit s'approcher, elle s'arc-bouta sur le pont, au point qu'il fut bien près de s'effondrer brusquement sous ses pieds. À bride abattue, Fergus survint piquant des deux, mais ne put pénétrer à cheval sur celui-ci. Il était construit avec une entrée si étroite que ne pouvait y accéder qu'un homme seul. Quand Fergus voit qu'il lui faut combattre la vieille à pied, il en a le cœur rempli de dépit, de chagrin et de mécontentement. Il descend néanmoins de son cheval, qu'il attache à un saule. Elle croit lui interdire le passage, mais il n'arrive pas, et elle se met à barrir comme un éléphant au point que son cri porte bien à une lieue de distance, donc elle est assez monstrueuse, parce qu'il lui a transpercé les flancs avec son robuste épieu. Et elle voit autour d'elle le pont souillé du sang qui coule de sa plaie. Sans s'inquiéter le moins du monde, elle lui porte avec fureur un coup de sa faux tranchante qui l'atteint sur son aume luisant. Elle le tranche aussi aisément qu'on aurait coupé une baguette et l'écartèle au ras de la coiffe. si elle l'avait touché plus bas, plus jamais il n'aurait eu besoin de médecin, plus jamais il n'aurait eu à soutenir de joutes ou de tournois. Elle distribue des coups violents sur le bouclier de Fergus, et elle tranche le bouclier en tranches, sa foi a l'air extrêmement tranchante. Fergus craint beaucoup la vieille, pourtant la voilà à moitié perdue, elle a planté sa faux dans un pilier de marbre bille construit sur le pont, si profondément qu'elle ne peut plus l'en sortir, donc elle est coincée avec sa faux dans la pierre. Elle tire dessus avec tant de force qu'elle fait vaciller pont et pilier en même temps. Ah, Fergus voit un spectacle qui le satisfait, le charme le ravit. Du coup, là, elle clignote, puis il doit lui porter trois coups. Il doit lui porter trois coups en faisant AB, AB. C'est exactement ça. Et alors qu'elle est en train de tirer sur sa faux qui est coincée dans le mur, Fergus sort du fourreau son épée au tranchant acéré, puis vient à elle, lui coupe par les jointures les deux mains dont elle tient la faux. À présent, il craint moins l'affrontement avec la grande et perfide vieille. Quand elle se voit réduite à néant, toute vigueur perdue, elle bat en retraite vers la tour pour sauver encore sa vie. Donc il la poursuit et d'un très grand coup il l'atteint à l'attache du sein et du torse et il lui tranche haut, chair et boyeux, elle s'effondre. Oui, parce que la fin du combat évidemment une fois que t'as enlevé l'arme du méchant, t'es en mode super power pour 10 secondes pour l'achever de façon facile, puis t'as la cinématique de fin qui arrive, puis... c'est pas complètement fini parce qu'il doit traverser le château et la salle principale du château et il arrive dans un jardin et il est magnifique et à l'endroit on a mis au-dessus d'un pilier de marbre l'écu et il y a un serpent qui est allongé, donc un dragon, et il y a 9 marches à côté du pilier pour accéder à l'écu, donc il va prendre l'écu et il doit encore tuer ce dragon. Ouais, parce que le dragon dort, il le voit pas tout de suite en fait, puis quand il enlève le bouclier ça réveille le dragon et du coup en s'échappant il doit tuer le dragon, un côté un peu Metroid comme ça aussi. Donc très très très classique, donc le serpent fracasse tout autour de lui aussi, il fracasse l'arbre où pendait l'écu, etc. Donc c'est vraiment très le combat le plus From Software je trouve qu'on a lu jusqu'à maintenant cette émission. Alors Fergus reprend sa route, il retourne à Queen's Ferry, amené par un gentil marchand, et là il apprend que dans le Lothian il y a une dame galienne qui gouverne le pays, et visiblement galienne a hérité en fait du royaume de son père, et elle est menacée dans son château de Rossburg, enfin Roxburg peut-être, par un méchant roi qui essaie de voler, s'emparer de son territoire, et Fergus veut évidemment aller l'aider. Et sur le chemin en fait il va tomber sur le château d'un géant. Un géant qui est en fait le mari de la vieille qui vient de tuer. Tu as tué ma femme et mon dragon. Tu as tué ma femme à Dinotard. Tu vas mourir. Non, effectivement, le géant se bat avec une espèce de grosse massue. Alors, il y a un combat de nouveau assez difficile, assez long. Il arrive notamment à tuer le cheval de Fergus, mais Fergus parvient à en fait mettre son arme dans la jointure de son épaule, puis finalement à tuer le géant. Il tombe sur le fils du géant. Qui balance dans la douve du donjon et il libère deux jeunes filles que le géant faisait utiliser pour se faire masser. Il y a un côté un peu glauque comme ça. Ouais. De nouveau très Dark Souls comme ça. Les deux femmes vont devenir ses assistantes pendant le reste du récit. Il tombe notamment sur un cheval géant, enfin un grand cheval que le géant élevait. Et il parvient à le dompter en le tapant à coup de massue, en fait. Il le tabasse du géant. Il a obtenu l'objet du géant, la massue, donc du coup, il peut dompter c'est tout à fait logique, il peut dompter le cheval. Il arrive à se mettre en armes et il part pour Roxburg, où il trouve les tentes des assiégeants et il commence à ravager un peu dedans tout seul, comme un nouveau personnage de jeu vidéo, quoi. Il est tout seul, mais il tue tout le monde, il est invincible. Et alors, les gens du château l'admirent beaucoup, évidemment, et plus encore, quand il parvient à mettre à bas de son cheval le neveu du roi qui assiège et à envoyer le cheval, le destrier, à la dame du château. Et donc, tout le monde est fasciné parce que c'est un tellement bon chevalier. Et effectivement, pendant plusieurs jours, il va venir comme ça aider les gens du château en faisant des ravages dans l'armée assiégeante. Au final, le roi, chaque fois il retourne dans sa tour, bien sûr, et le roi qui assiège le château envoie son neveu pour négocier avec Galienne, et son neveu s'appelle Artophilos. Et en fait, Artophilos, c'est juste un bourrin. Il négocie pas super bien. Il dit, donnez-nous le château, sinon on va de toute façon vous attraper, vous forcer à nous marier. Ou si elle refuse, elle dit même à son oncle, si elle refuse de se marier vous, on vous livre, vous la livrez à vos valets, quoi. Ouais, la menace assez classique. Et du coup, elle répond d'abord assez calme, oui, reconsidérer ça. Puis elle finit par les mettre au défi, en fait. Puis elle dit, dans 8 jours, il y aura un chevalier qui viendra ici, qui se battra contre n'importe qui, que vous pouvez me présenter, même deux hommes à la fois. Même deux hommes à la fois. Puis dit, ok, dans ce cas, on va venir avec deux hommes à la fois. Puis j'espère que vous aurez un bon chevalier. Puis immédiatement, elle est blâmée par tous ses conseillers, toute sa cour, les gens autour d'elle de son château. Puis elle explose de colère contre eux aussi, d'ailleurs. Elle explose de colère contre eux. Ils étaient là, c'était un peu stupide de dire ça, alors qu'on n'a aucun chevalier qui va vouloir se battre pour ça. Mais bien sûr, on devine assez bien que ce sera Rebus qui va remplir le rôle. Parce qu'elle aimerait bien que ce soit ce chevalier à l'écu brillant qu'elle voit depuis plusieurs jours, mais elle doit envoyer pour ça une damoiselle, Arondelle ou Hirondelle selon la variante, qui va essayer de chercher, et elle va aller en fait à la cour du roi Arthur, cette demoiselle, à Carduel, mais tous les chevaliers d'Arthur sont absents, ils vont tous dans une région allitérative par rapport à leur nom, c'est très rigolo. Gauvin étant Galvouet, Perceval étant Pergal, ou un truc comme ça. Et puis ils sont tous en train de chercher Fergus, faire des trucs du genre, puis du coup, Arthur a personne à envoyer. Et donc elle essaie de chercher Gauvin en Galvouet, mais elle le trouve pas, et elle passe en fait du côté de la tour du géant, où se trouve Fergus, elle voit le corps du géant, puis Fergus arrive, puis oui, il y a un chevalier qui a tué ce géant, qui allait aider la dame, mais il ne dit pas qui il est. Et elle explique sa mission, puis il dit non, rassurez-vous, je suis sûr que le chevalier viendra à votre secours. Puis elle est désespérée, il lui demande de rester, puis elle dit non, il faut que je rentre. Et donc du coup, elle va, mais il ne lui dit pas qu'il va venir. Plutôt que de venir et puis de lui dire, il dit non, ne vous inquiétez pas. Il viendra, je suis sûr qu'il viendra. Et du coup, elle rentre chez sa maîtresse. Elle s'évanouit parce qu'elle n'a pas réussi à trouver le chevalier, selon elle. Et elle décide finalement d'aller se tenir debout sur la tour, la pelote du château, au moment où le défi va devoir avoir lieu. Puis se jeter, en fait, au bas de la tour, plutôt que d'admettre son déshonneur. Et en fait, le roi et son neveu se proposent comme champion contre le champion qu'elle a désigné. Et au moment où elle s'apprête à sauter, elle entend une voix, on nous dit que c'est Dieu qui lui envoie une voix plus ou moins qui dit « Regarde vers les bois !» Et elle voit arriver justement la lumière du bouclier de Fergus qui approche et puis qui insulte un peu le roi et son neveu parce que le défi est un peu honteux. Et il décide finalement de se battre contre les deux. Et finalement, en fait, il tue immédiatement Artophilos, qui vraiment un coup. Puis au moment où le roi, une fois qu'il a évidemment été obligé d'abandonner, demande à récupérer le corps de son neveu. Et puis le Fergus dit non, son corps restera ici, plus ou moins comme épouvantail en fait. Mmh. Il y a vraiment un côté assez sinistre. C'est une blague, il est très. Comment dire, il essaie vraiment de l'énerver et puis. Ouais, voilà, il le met. Il finit par le battre et par lui faire admettre sa défaite et se rendre vers Arthur. Alors, bien sûr, le chevalier Arthur, il va être pardonné, être fait plus ou moins un chevalier de la cour d'Arthur sans problème, donc toujours très sympa. Mais finalement, Fergus, donne un indice que c'est lui, mais il reste pas, il part. Et du coup, de nouveau, Galien est sûr qu'il l'aime pas, en fait. Mmh. Et c'est, oui, c'est lui, mais il m'aime pas. Donc, elle est désespérée, et elle demande conseil à ses barons qui disent « Bon, essayons de nous rendre à la cour d'Arthur pour lui demander un mari pour vous ». Et comme ça, on aura un homme qui pourra nous protéger, parce que toute seule, c'est clair, vous n'y arriverez pas. Très sexiste, évidemment, comme d'habitude. Et un peu comme d'ailleurs, on est dans la même idée que dans Geoffrey, par exemple, où c'est plus ou moins la même... Que Geoffrey, que la vengeance Raguidel... Ou même que Perceval, Perceval... Voilà. Donc, finalement... Je crois que Perceval fait ça de manière un peu plus... C'est plus subtil, disons. Ça suit tellement le développement naturel de l'histoire qu'il n'y a pas forcément un moment où on nous doit de le dire. Ouais. C'est-à-dire que Blanchefleur, elle dit « Ah, j'ai de la peine à tenir mon château parce qu'elle est littéralement assiégée, on n'a pas vraiment ça ». Dans la plupart des autres versions qui s'en inspirent, on a toujours un moment des les gens de la cour qui disent « Mais madame, vous êtes une femme ! Vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire ça ! Vous ne pouvez pas tenir un château comme ça !» Alors que finalement, c'est un truc qui se faisait beaucoup. C'est un truc qui se faisait. Au Moyen-Âge. Enfin, beaucoup. Ça se faisait plus couramment qu'on pourrait le penser si on en croit ces textes comme ça. Dans Idère, on va avoir un contraste parce qu'on va avoir une dame beaucoup plus entreprenante de ce côté-là. Même si elle a un mari, elle, par contre. Il me semble. Ah, tu veux dire la copine d'Idère. Non, pas la femme qui s'est le séduire au début. Non. D'accord. Non, alors revenons donc à Fergus. On est, malgré toutes les festivités à cause de la défaite du méchant roi, Arthur est toujours préoccupé parce que Fergus ne revient toujours pas. Le fou prédit à queue que bientôt il sera un pêcheur parce qu'il devra admettre qu'il avait tort. Et que essaie de tuer de nouveau le fou, mais Arthur lui réprimande, puis pardonne le roi qui vient d'arriver, le roi qui a essayé d'assiéger Roxburgh. Et finalement, il décide de lancer un tournoi à Gédéorde. Alors, je ne sais pas où c'est censé être, Gédéorde. Mais il décide de lancer ce tournoi pour essayer d'attirer, parce qu'ils disent, Fergus ne pourra pas résister, il viendra, et comme ça, on pourra le retrouver, en fait. Alors, l'idée effectivement marche parce qu'il lance un tournoi. Et alors, je ne vais pas vous résumer le tournoi en détail, à moins que tu veuilles le faire, Laïs. Non, c'est un tournoi assez classique. Hein. C'est bien sûr, vous devinez que Fergus, il est complètement invincible pendant le tournoi. Il bat que Lancelot, le chevalier noir de nouveau qui est là, Sagremor. Il y a quelques exceptions. Lancelot est battu. Perceval, reconnu par Fergus parce qu'il lui a donné son épée. Ah, lui, il veut pas le battre, donc il essaie tout simplement de le faire reculer en fait. Mm-hmm. Et arrive Galienne qui demande elle explique à Arthur en fait, oui, je suis toute seule, il faut vraiment que j'ai un mari. Et elle mentionne le chevalier au bouclier. Puis Arthur dit, mais je voudrais bien vous donner le chevalier au bouclier, mais je sais pas qui il est, je sais pas où il est, il m'obéit pas, il m'écoute pas. Je peux pas vous le donner, je voudrais bien vous le donner comme mari, vous pouvez prendre qui vous voulez, mais moi je peux pas vous le donner. Et du coup, Gauvin suggère qu'il pourrait aller parler au chevalier. Et en fait, quand Gauvin arrive, il n'y a même pas de bataille contre Gauvin et le chevalier. Il se présente et tout de suite, Fergus reconnaît Gauvin et elle limite à genoux et dit « Ah, c'est vous, Gauvin !» Et du coup, ils s'embrassent et tout le monde est bien heureux. Et Fergus et Galienne sont mariés de nouveau à la Saint-Jean d'été. Donc, on est plus ou moins 2 ans après, j'ai l'impression. Ou alors peut-être un an. Donc là, ce serait 2 ans après. Mais en tout cas, là où le roman avait commencé, il peut épouser et puis devenir roi de Lothian. Il y a un petit avertissement à la fin. Gauvin avertit Fergus que ce ne serait pas une bonne idée de rester trop près de sa femme et d'oublier la chevalerie. Il faudrait qu'il continue d'aventure. Donc peut-être l'indice qu'il y aura une aventure à la Yvain qui va arriver après, je ne sais pas. Enfin, il avertit contre le destin d'Erek dans Erek et Enid, justement. Ouais. Donc une allusion à un chrétien de façon assez claire. Donc c'est assez... C'est assez classique finalement cette fin, tout est bien qui finit bien, on se retrouve avec vraiment la fin réelle du récit avec la défaite du méchant roi, puis après une espèce de deuxième fin, ce post-game avec le tournoi. Non, on a les motifs classiques, c'est vraiment les motifs classiques du roman arthurien de base, le chevalier qui rencontre la dame qui est assiégée, il doit aller l'aider... il se marie avec elle à la fin, mais il y a une espèce de va-et-vient où, bien sûr, il se présente pas directement parce que ce serait trop facile. Les combats, c'est des combats contre des géants, contre des dragons, donc c'est assez standard, quoi, en termes de motifs qu'on peut voir. Quand même un peu d'originalité avec ce bouclier lumineux, qui est quand même, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément souvent. Le combat contre le chevalier noir, j'ai dit, c'est vraiment une formalité, parce que c'est vraiment à ce stade-là, on est habitué, quoi. Le corps, il faut sonner le corps pour, voilà, c'était ce qu'il y avait déjà chez Erek dans La Joie de la Cour, il faut sonner le corps, puis il y a quelqu'un qui vient vous tabasser. Beaucoup du charme de ce roman, c'est vraiment le côté un peu comique. Certains parlent de parodique, alors moi je suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai qu'on force beaucoup le trait, où on va avoir le naïf qui va vraiment... Mais il est naïf, mais aussi il est aussi presque, comme on l'a dit, à la fin, dans le duel contre Artophilas et son oncle, il est très sarcastique. Genre, il va leur balancer des vannes, tiens, vous vous battez à deux, mais vous êtes des jumeaux, parce que dans l'ancien temps, on laissait les jumeaux le faire, mais maintenant on le fait plus. Quand il tue Artophilas, il fait une petite blague, genre on va le laisser dans le champ. Des petites punchlines. Puis il n'est pas forcément incompétent, c'est-à-dire qu'il est, quand elle lui dit « je vous donne mon cœur », il est là « non mais je n'ai pas votre cœur, vous ne me l'avez pas donné, je ne sais pas ce que j'en ai fait de votre cœur ». Mais il va quand même... Ouais, c'est un peu marrant que ce soit dans ce recueil La Chevalerie des Sceaux, parce que finalement, il est loin d'être l'exemple le plus net d'un chevalier sceau. Il est un peu bête au début comme Perceval, mais c'est rien que... Contrairement à Perceval, où le développement intellectuel de Perceval est explicité et fait partie de la matière du roman, là... C'est juste, il est un peu bobet, puis c'est un paysan, puis d'un coup il est adoubé, puis par l'inspiration du Saint-Esprit, la chevalerie le remplit, et du coup il devient un blagueur à la James Bond, comme tout le monde. Il devient carrément fou, puis après il boit d'une fontaine magique qui lui fait retrouver ses esprits, donc il est magiquement devenu intelligent. 5 lignes, donc je suis pas sûr que ça suffise à expliquer ça, quoi. Non, c'est pas sûr. Il y a beaucoup de blagues, genre quand il se bat dans la forêt avec la broche, avec les chapons, puis qu'il les tabasse tous les types, quand il tabasse les types qui essaient de lui voler son. Et un peu tout le monde qui est contre lui, le monde est rempli de bandits qui veulent. Lui voler ses trucs un peu plus que d'habitude. Mais assez sympa, assez méconnu. Un petit roman du XIIIe siècle que j'ai pas mal aimé lire, j'avoue. Non, c'était une lecture sympathique, effectivement. J'ai quand même préféré Hyder, je pense, qui est un peu plus intéressant. Mais le roman de Fergus, solide, 7 sur 10, would read again. Les graphismes à la hauteur de ce qu'on attend de From Software. Les combats sont un peu on voit que c'est la B Team qui a fait le jeu, parce que ils ont repris un peu tous les trucs classiques peut-être ça aurait été intéressant d'avoir plus de passages de bataille à cheval, parce que bon, chaque fois qu'il doit se battre, le combat contre la géante qui est clairement le clou du truc, il est obligé d'abandonner son cheval, c'est un peu triste. Puis aussi voilà, il se fait tuer son cheval, c'est triste, mais immédiatement après il trouve un autre cheval, bon c'est un petit peu facile quand même, c'est trop facile, d'autant que le mini-jeu pour denter le cheval, bon voilà. Une fois que t'as cliqué très vite avec voilà, le button mash, c'est un peu on attendrait mieux, voilà, un petit truc, un petit QTE un peu plus élaboré, ça serait sympa. Non, toute blague à part, c'est pas un mauvais roman, c'est juste que c'est un roman un peu générique. Même s'il a son côté un peu exotique par l'invocation des lieux écossais, qui est assez rigolo, quoi, qui est un peu plus géographiquement, disons, correct que la matière de Bretagne, ça vaut le coup d'œil, rien que pour ça, je pense. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on passe au roman du roi Zider, le roman du roi Ider, qui est assez similairement très inspiré par l'histoire de Perceval, mais qui va à des endroits peut-être un peu plus inattendus et qui reprend un personnage qui jusque-là était un personnage très secondaire et qui, pour une fois, a le rôle du héros. Avant ça, on va juste écouter une petite chanson, une Whaling Song, une chanson traditionnelle de marins qui vont chasser la baleine, The Bonny Ship, The Diamond, ici chantée par Gaelic Storm. Bound, and the kid is all garnished with the bonny lasses round. Captain Thompson gives the orders to sail the ocean way, where the sun it never sets, my lads, nor darkness cleans the sky. And it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. The bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. Ahead, the lasses gather round, with their shawls all pulled about them, and the salt is running down. Now don't you cry, my bonny lass, though you be left behind, for the roads will grow on Greenland's ice before I'll change my mind. And it's cheer up, my lass, let your hearts never fail. The bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. Here's a health to the Resolution, likewise the Eliza Dane. Here's a health to the Battle of Montrose and the Diamond Ship of Fame. We wear the trousers of the white and the jackets of the blue. When we return to Peterhead, we'll have sweethearts anew. And it's cheer up, my lads, let your hearts never fail. The bonny ship, the Diamond, goes a-fishing for the whale. C'était The Bonnie Ship the Diamond, une chanson marine traditionnelle par Gaelic Storm, et on revient pour vous parler du Romance du Roi Ider, le roman du Roi Ider. Alors le roman du Roi Ider a un manuscrit de moins que Fergus, il n'y en a qu'un seul en fait, qui est en plus partiel. Il est conservé à la bibliothèque de l'université de Cambridge, sur la référence EE 4.26 si vous voulez tout savoir. Donc c'est un roman qui date aussi du début du XIIIe siècle, probablement du règne de... Alors on y a vu, avec les portraits de mauvais rois qui y sont faits, une allusion au règne de Jean sans terre, qui était effectivement considéré comme un relativement mauvais roi même à l'époque. C'est pas simplement une imagerie moderne tirée du Robin des Bois de Disney, c'est vraiment une réputation qu'il avait. Il a même mené, en fait, à force de pas payer, par exemple, les deniers qu'il devait à l'église. Il a notamment causé la mise de son royaume entier sous interdit, par exemple. Alors on a vu dans ce roman d'Ider, soit un récit lié à l'abbaye de Glastonbury, soit peut-être à des idées continentales, vu que le roman semble connaître quand même des histoires arthuriennes plutôt associées avec le sud de l'Europe et le sud de la France. On a peut-être vu l'idée que c'était disons liées à l'Aquitaine d'une façon ou d'une autre, qui était en possession anglaise évidemment, même si la langue elle-même est plutôt associée avec le nord de la France, ça l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est possible que ce soit aussi lié à la façon dont le texte a voyagé. On a principalement trois éditions. Alors la plus ancienne, évidemment, c'est une édition allemande, Der Altfranzösische Ider Roman, ils ont la date de 1913, donc c'est peut-être plus la référence. Il y en a en fait deux qu'on peut utiliser, une anglaise, la plus ancienne, éditée par Alison Adams chez Brewer, donc chez Arthur and Studies de nouveau, The Romance of Ider, avec une traduction anglaise en prose à côté de la des vers. Et l'autre, Le Romance du Roi Ider, ça c'est l'édition en français par Jacques-Christian Lemaire. Jacques C.H. Lemaire, je ne sais pas exactement. Jacques-Christophe ou Jacques-Christian Lemaire. Ils disent jamais son nom complet. Édité donc chez... Alors, il est édité, là, je vous dis, il est édité aux éditions EME, qui sont les éditions modulaires européennes. Alors, c'est probablement l'éditeur qui a le nom qui fait le plus faux qu'on ait vu jusqu'à maintenant. C'est une édition modulaire européenne, on dirait une espèce de couverture pour blanchir de l'argent. L'édition n'est pas très... Il y a un format très auto-édition comme ça. Voilà, l'édition n'est pas très belle. C'est vraiment, ouais, on a mis le fichier dans Word, on l'a envoyé à l'imprimeur et puis on a mis une image sur la couverture. L'édition est bonne. Le maire donne des arguments contre les éditions précédentes que tu as mentionnées pour dire oui, ils ont fait des choix qui n'étaient pas terribles. Et puis notamment, leur théorie sur l'origine du roman, ils ne remarquent pas les traits les plus significatifs de la langue. Bon, je vous le refais pas entièrement, mais... C'est pas vraiment conclusif d'un endroit dans l'autre. Mais... On vous l'a dit, hein, le personnage d'Ider, c'est un vieux personnage gallois. Donc, ce Edern, c'est déjà dans le Colloquy Olwen, donc avant le premier millénaire, au premier millénaire. Donc, il est assez ancien. Maintenant, il y a eu des tentatives de rattacher ce personnage à une mythologie, disons, le motif du fils de l'ours, en fait, notamment associé à des personnages comme, par exemple, chez Erevard, donc dans la Gesta Erevardi, donc un texte anglais. Du début, juste après la conquête normande, il y a un texte latin, hein, mais qui se passe en Angleterre, l'association avec Beowulf aussi, Beowulf dont le nom serait un kenning, donc un énigme pour dire l'ours en fait. Beowulf, c'est le loup des abeilles, le prédateur des abeilles, donc l'ours. Et Beowulf n'est pas directement associé avec des ours outre mesure, mais il y a eu des tentatives de lire l'histoire de Beowulf en regard de l'histoire notamment qui implique le combat d'Ider contre l'ours, par exemple. C'est notamment dans tout un papier de 1946 par Ellen Southward. Voilà, Ellen Southward suggère que le combat contre Grendel, donc Grendel c'est ce personnage sauvage qui apparaît dans le monde des humains, et puis après donc Beowulf le bat, puis après, alors le bat à main nue, plus ou moins le démembre en fait, il coupe le bras de Grendel, il arrache le bras de Grendel, et après il va dans le monde de Grendel, où là il bat en l'occurrence la mère de Grendel. Il y a certains motifs où l'ours revient à sa tanière, puis il est battu par le chevalier, là c'est plutôt découplé dans Beowulf, et il tue... Alors dans Beowulf, il y a la suggestion qu'il y a une épée des géants qui pourrait être utile, mais en fait c'est pas celle qui sert à battre c'est un red herring qui ne sert pas à battre la mère de Grendel, alors que ici on va le voir dans de la même façon chez Ider, il y a des géants qu'il faut battre et on récupère une arme magique chez eux, mais effectivement qui ne sert pas non plus à les battre. On peut effectivement voir des parallèles, mais je sais pas si on peut dire oui, c'est clairement le même motif. Donc, ça, il y a pas mal de distance. Il y a un parallèle dans l'ours qui débarque dans les appartements de Guenièvre, et puis Grendel qui débarque dans la société des hommes, et puis l'épisode des géants d'Ider serait un découplage de ça. Ça me paraît assez vague. Après, c'est pas une impossibilité totale. C'est clair qu'il y a ce motif de l'ours, du combat de l'ours d'Ider se retrouve dans d'autres récits. Mm-hmm. Tout ce papier d'Ellen Stafford, qui est quand même de 1946, donc c'est pas la recherche la plus récente sur le sujet. Mais elle fait toute une lecture parallèle, notamment. Elle remarque le fait qu'Ider, notamment, est associé aux Danois. Mm-hmm. Il y a plusieurs allusions à des personnages du nord de l'Europe. Dans le rêve de Ronabouy, Ider mène une troupe de Danois alliés à Arthur, notamment. Mm-hmm. Et elle trouve des allusions aussi avec le Lancelot en prose. Elle voit des allusions à la vengeance Raguidel, à la folie Tristan aussi, évidemment. Oui, parce qu'il faut mentionner que le combat de l'ours contre Ider, c'est compréhensible qu'on essaie de voir quelque chose de très archaïque dans le personnage d'Ider, parce que c'est, comme on l'a dit, un vieux personnage. Il est mentionné par Cullen Hewlett. Il est aussi mentionné par William de Malmesbury dans ses Antiquitate Glastoniensis Ecclesiae, donc les antiquités de l'église de Glaston. Glastonienne, qui mentionne déjà qu'il bat trois géants. Donc ce qu'on va voir, un motif qu'on a dans cette histoire-là, donc c'est possible que Ider soit effectivement associé de façon assez vieille à la légende arthurienne. Une des premières traces qu'on avait de la légende arthurienne sur le continent, d'ailleurs, c'est l'archivolte de la cathédrale de Modène, où on voit des chevaliers qui sont en train d'aller sauver Winlegay, donc probablement Guenièvre. L'héroïne du récit de Guenièvre, d'ailleurs. Gwenloï, et justement, on voit notamment Arthurus de Bretagne, donc Arthur de Bretagne, mais aussi un certain Isdernus, qui, alors, suivant l'étiquette, on voit que toute la plupart des chevaliers sont en armure. Isdernus, par contre, il a l'air d'être dévêtu, barbe et cheveux au vent, et puis à moitié en train de se retourner sur sa selle, donc un personnage peut-être un peu particulier, donc comment les personnages sont étiquetés sur cette voûte. Qui est d'ailleurs l'image avec laquelle on illustre cet épisode. Mais donc, Geoffrey et Was appellent déjà Ider fils de Nook. Fils de Nook. Nook, c'est assez facile à comprendre, hein, c'est le T et le C qui se ressemblent beaucoup dans les manuscrits médiévaux. Il y a la folie Tristan de Berne, donc on est déjà au XIIe siècle, qui mentionne le combat contre l'ours, qui dit « On considère qui existe l'ours, ne tant ne poens ne dolors, pour Guenièvre la femme Arthur, quand je poursuis, car j'ai en mur, gerpi en est haute Bretagne, par moi suis venu en Espagne. » Donc c'est Tristan qui dit « Ider qui a tué l'ours n'a eu tant de peine et de douleur pour Guenièvre la femme d'Arthur. » Donc ça associe déjà l'ours, Guenièvre, Arthur, peut-être de la manière qu'on va le voir ici. Probablement que Ider est déjà vu comme un chevalier qui sauve Guenièvre, soit de façon désintéressée, soit parce qu'il est amoureux d'elle, effectivement. Erec et Enid avaient Ider. On se rappelle que c'est lui qui attaque Guenièvre au début, qui lui fait un affront, et il est pourchassé par Erec qui doit le réprimander parce que son nain avait fouetté Guenièvre. Le lait du mantel montre qu'il est hostile à queue, donc le lait du mantel sous sa thèse de chasteté. Il est battu dans Le Bel Inconnu, on l'a vu, il est battu dans un tournoi par Guinglin, donc là il est un peu en arrière-plan. Gerbert de Montreuil, dans sa continuation du Perceval, mentionne une aventure perdue d'Ider, où il y a queue qui dit « Mais Ider, vous allez nous parler du moment où vous êtes entré dans un lit avec une vieille dame parce que vous la croyez belle oh, ?» oh, oh. Donc apparemment, il y a une histoire où Ider se fait avoir par une espèce de vieille dame probablement enchantée, donc qui avait l'air belle, mais en fait elle était vieille, ou elle a l'air vieille quand elle est belle. Cette histoire est perdue, on ne sait pas à quoi ça fait référence, mais c'est une histoire qu'on trouve effectivement dans le domaine celtique de façon assez transversale. Il est mentionné dans le Lancelot en prose, comme tu l'as dit, et dans la vengeance Raguidel. On a vu qu'à la toute fin de la vengeance Raguidel, notre héros devait, Gauvin, devait collaborer avec Ider, qui tuait un ours en entrant sa main dans sa bouche et en le transperçant de l'intérieur. Oui, il faut préciser aussi peut-être qu'il apparaît de façon plus ou moins allusive. On peut penser que c'est à ça que fait allusion le lait du corps. Il mentionne une infidélité de Guenièvre. Alors, peut-être qu'on peut y voir une allusion à Lancelot, mais elle raconte une aventure où il y avait quelqu'un qui est rentré dans sa chambre, et puis, ouais, il y a peut-être une allusion à cet épisode d'Ider qui rentre dans sa chambre pour tuer l'ours, où Ider est associé à Guenièvre, et le nom de sa bien-aimée est très proche de celui de Guenièvre, donc il y a peut-être aussi un lien là, peut-être un prototype de Lancelot aussi, éventuellement. C'est envisageable, quelqu'un qui a une relation particulière avec Guenièvre que n'ont pas forcément les autres chevaliers, mais c'est clair que c'est très trouble, on n'a pas beaucoup de sources, c'est très allusif. Le lien avec Beowulf peut sembler un peu effectivement très étrange, mais ce serait pas non plus inattendu qu'un motif similaire, enfin je veux dire, on a des motifs de contes de fées parfois qu'on retrouve dans la matière de Bretagne, donc ce serait pas inattendu non plus qu'un même motif se retrouve à la fois dans Beowulf. Si vous voulez en savoir plus sur les aventures des motifs indo-européens, retrouvez-nous sur C'est pas sourcé. Mais toujours est-il que voilà, le personnage d'Ider, contrairement à celui de Fergus, a un long pédigré arthurien, ça c'est assez clair. Et un pédigré qui va continuer, donc je vous ai dit, c'est vraiment un personnage secondaire, et dans tous ses romans isolés, c'est-à-dire qu'il a été vachement délaissé par la tradition centrale de la Vulgate, post-Vulgate, etc. Mais dans des romans isolés qu'on va peut-être voir cette année, Imbaud, Les Merveilles de Rigomer, Durmarc le Gallois, Clarisse et Laris, bon peut-être pas cette année, mais il est de nouveau, il est mentionné ou il a un petit rôle dans ces textes-là. Puis il apparaît même, du coup, j'ai mentionné Ereward, il y a des allusions à cette histoire qui ont été insérées, notamment dans les récits sur Ereward, donc peut-être que, effectivement, les aventures d'Ider avaient un côté qui incitait à le connaître, et c'est un peu ce héros qui gagnait à être connu, mais qui avait 2-3 épisodes associés avec lui, et de loin pas la tradition que pouvait avoir un Gauvin, ou un Lancelot, ou un Perceval. Quoi. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un roman archaïque, c'est une espèce de version tardive de cette tradition-là, qui essaye de le remettre au premier plan, probablement dans le premier quart du XIIIe siècle, mais qui est toujours connecté à cette histoire, donc on va voir justement le combat de l'ours ici. Le début du roman manque. Ça, il faut peut-être le dire, il manque probablement un millier de vers, mais on arrive assez bien à imaginer ce qui s'est passé, parce qu'il y a des flashbacks ou des gens qui parlent de ce qui s'est passé au début. Donc on comprend assez bien que Ider est né à Cardway, d'une mère pauvre mais noble, qui a été abandonnée par son mari. Et le mari lui a juste laissé une bague qui a été coupée en deux. Et il lui donne une moitié, il prend l'autre moitié, donc vraiment le Jean qui part à la guerre et puis qui lui donne la moitié d'une pièce pour que quand il revient il puisse se reconnaître. Et à 17 ans, le jeune homme Ider part à la recherche de son père en abandonnant sa mère et sa grand-mère. Il rencontre la reine Gwenloï, on pense, parce qu'ils se connaissent déjà dans le texte, il tombe amoureux d'elle, elle partage son amour, mais apparemment elle refuse de se livrer à lui parce qu'elle ne connaît pas la dignité de son rang. Donc on ne sait pas qui est son père, on ne sait pas à quel point il est noble, donc elle ne peut pas accepter, comme elle est reine, d'entamer une relation avec lui. Ider doit donc faire la preuve de son lignage en accomplissant des prouesses chevaleresques. Donc c'est probablement un peu la même idée qu'on avait dans Fergus, donc c'est vraiment genre, oui, on peut se marier ensemble, mais il faut quand même qu'on prouve qui on est. Il quitte donc la cour de la reine et il part à la recherche d'aventure. Et la première se trouve très bénéfique, alors de nouveau on reconstitue un peu, il se porte au secours d'un homme qui est agressé par 2 ennemis et qui se révèle être le roi Arthur. En fait, c'est là que commence le texte qu'on a, en fait. C'est là que commence le récit. On est au milieu d'une chasse, alors comme d'habitude. Ce qui laisse penser, d'ailleurs, comme on est au milieu d'une chasse, probablement qu'il manque pas grand-chose au début du texte, parce que c'est généralement ce qu'il y a au début du texte, quoi, la chasse aux cerfs et compagnie. Mais il réalise vite que Arthur est ingrat. Il est déçu par les mauvais agissements du roi. Le roi l'ignore, fait semblant de... Il oublie de le remercier. Puis ensuite, il y a la maîtresse du château des Pucelles qui envoie une dame et qui lui dit « Seigneur, elle a besoin de vous, elle est assiégée, il faut que vous veniez l'aider. » Et puis Arthur dit « Oh non, parce qu'il y a Talac de Rougemont qui devait me prêter allégeance et puis il ne l'a pas fait, donc je dois aller l'assiéger. Puis j'ai dit que j'irais l'assiéger et j'ai donné ma parole avant, donc je ne peux pas venir l'aider parce que je vais être occupé par ça. » Puis alors elle, la dame qui est l'envoyée de la maîtresse du château des Pucelles est furieuse. Elle dit, mais vous pouvez pas faire ça, vous reniez votre parole, c'est votre femme Lige. Avant, elle tenait sa terre que de Dieu, maintenant, elle la tient de vous, et vous remplissez même pas votre part de devoir de la protéger. Et Arthur dit, désolé, on peut pas faire grand chose. Arthur donne toujours l'excuse de jouer, j'ai autre chose à faire. Puis j'ai autre chose, j'ai déjà donné ma part. Puis après, quand on lui demande de faire un autre truc, il dit, ouais, mais j'avais promis à la dame du château des Pucelles que j'ai. Et c'est assez marrant, mais du coup, Ider est extrêmement déçu, et il décide littéralement de changer de camp. Il dit, je vais aller chez Talac de Rougemont, et puis je vais devenir son vassal. En chemin, Ider, qui n'est pas encore un chevalier, va tomber sur le roi Yvenant, qui promet de le faire chevalier, pour autant qu'il résiste aux avances de sa femme. Donc une épreuve un peu à la Gauvin et le chevalier vert. On verra qu'elle est très entreprenante. Et puis on voit qu'apparemment, tous les chevaliers qui sont passés par là ont échoué à l'épreuve jusqu'ici. Ider, qui est déjà amoureux de Gwenloï, n'est pas ému par la femme, par sa femme. D'ailleurs, quand elle essaie de lui faire d'avance, il est vraiment très violent avec elle, en fait. C'est pas seulement ça, c'est qu'il se couche à l'extérieur sur un banc et il est tellement beau que d'abord la dame, elle dit je veux me laver les pieds, machin. Elle envoie une de ses servantes chercher de l'eau et Ider est tellement beau que la servante oublie d'aller chercher de l'eau puis elle revient avec le bac vide. Elle a complètement oublié de le faire. elle va le séduire. Et puis Dern, non mais arrêtez de vous approcher, je suis pas intéressé. Donc il arrête pas de reculer et tout. Puis si vous continuez, je vais devoir riposter. Et puis il lui donne un énorme coup de pied, puis il la fout par terre. Donc vraiment, il la round kick. Juste, il la Chuck Norris par terre. Puis alors tout le monde se moque un peu d'elle. Et puis du coup, il dit, bah effectivement, vous avez réussi l'épreuve, vous pouvez être adoubé. Alors, il ne dérpare pas immédiatement, il va tomber sur un autre château, où, enfin, d'abord, il tombe sur un chevalier et son fils, et le chevalier l'héberge dans son château. Et le jeune homme demande à Hider s'il peut le servir comme l'écuyer, en fait. Il veut devenir son écuyer. Hider accepte, et donc la famille de Lugin va devenir, parce que son nom c'est Lugin, va devenir un de ses plus fidèles vassaux, en fait. C'est son espèce de quartier général, en fait. Il va lui envoyer régulièrement, quand il va voler des chevaux aux chevaliers d'Arthur et autres, récupérer des chevaux en les battant, les gagner en combat, il va les envoyer là-bas, puis ça va lui permettre apparemment d'éponger ses dettes et de récupérer son bien qui était en désarroi. Oui, parce que le père de Lugin est un peu un de ses bavasseurs, un de ses coulacs un peu défavorisés. Enfin bref, il est donc du coup en route pour rejoindre Talac. Donc Talac de Rougemont, Tolat peut-être, c'est Talac de Rougemont, c'est peut-être Tola qu'on avait déjà vu dans justement Geoffrey, en fait. Mais il arrive là-bas, il se met à son service, il fait preuve de sa valeur en combattant de nombreux chevaliers arthuriens, notamment Queux, mais aussi il arrive à faire tomber Gauvin de son cheval, puis on est là genre « Wow, faire tomber Gauvin de son cheval, c'est quand même inhabituel ». Et il y a Queux qui va... Alors, donc il y a plusieurs vagues d'attaques du château, on ne va pas forcément vous les détailler parce que ce n'est pas le plus intéressant, mais il y a régulièrement des chevaliers d'Arthur qui viennent se battre, et puis les défenseurs du château font des sorties et les battent. Jusqu'à un moment où, alors qu'il est en train d'affronter Gauvin et que tout le monde est en train d'apprécier ses prouesses, il y a Queux qui arrive et qui lui plante une lance dans le dos par derrière. Donc il y a Queux qui, basiquement, le tue de façon traître, et donc lui, il tombe par terre, il perd la parole, donc il est vraiment très mal en point après cette attaque. Et il est emmené par Lugin et sur une civière, et par la complicité de Gwenloy, qui n'a pas cessé de le faire suivre, il arrive dans un couvent. C'est-à-dire que Gwenloy le voit et elle arrive à le soigner, en fait. Elle le trouve sur la civière inconscient et elle arrive à lui faire un bandage pour enlever... Enfin, d'abord, elle arrive à enlever la pointe de lance qui est plantée dans son flanc. Et c'est pas évident, donc apparemment, elle doit faire sortir la pointe de lance de l'autre côté. Donc elle doit pousser la pointe de lance avec un bâton pour le faire... La description est un peu ambiguë, mais voilà, faire sortir la pointe de lance, puis lui faire un bandage... pour le maintenir un peu en place, et il va être amené dans un couvent. Elle donne une bourse de 60 deniers, je crois, à Lugin pour qu'il puisse payer pour un médecin, et puis elle le laisse là, puis elle dit, mais dites-lui pas que j'étais là, parce que sinon ça va le mettre dans un tel état qu'il va s'évanouir et mourir, etc. Donc vous devez garder ça secret. Il est amené dans un couvent où ils ont un super médecin qui va pouvoir soigner Hider. J'aime beaucoup la description de sa guérison. Il doit boire un breuvage. Et en fait, on décrit littéralement que le remède va gorger la plaie. C'est-à-dire qu'il le boit, puis alors il y a le remède qui sort de la plaie et qui la comble, en fait, vraiment de l'intérieur. Et du coup, il a plus mal, les bords de sa plaie sont plus douloureuses. Et ce remède est tellement bien, en fait, on nous dit qu'il n'a même pas besoin de se priver de certains aliments. C'est-à-dire que ça sous-entend, normalement, quand vous êtes convalescent, on vous dit « vous pouvez pas manger d'ail, vous pouvez pas manger ci, vous pouvez pas manger ça ». Puis il dit « non, non, là, le remède est tellement bien qu'il n'y a même pas de côté négatif, il peut manger ce qu'il veut. » Donc c'est vraiment parfait. Il est soigné, il se sent parfaitement bien, et il est guéri. On apprend qu'il est vivant, quelqu'un l'annonce à la cour, c'est-à-dire que Gauvin va vers Arthur et dit que a fait quelque chose de très grave, il a traîtreusement tué Hider, qui était le meilleur chevalier, etc. Il faut que vous le punissiez. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Non, mais Hider, je l'ai vu, il va très bien. » Alors Gauvin pardonne relativement à Hider, et il dit « Il faut qu'on aille le chercher pour qu'il vienne à la cour. » Puis Arthur n'a pas très envie. Alors là, Arthur rechigne déjà à incorporer Hider à la cour. Et il dit « Ouais... » puis donc ils vont au monastère, ils disent vous pouvez. Non, mais surtout Guenièvre dit ah oui, il faut absolument qu'on y aille. Il faut absolument qu'on y aille. Puis Arthur il est là, ok. Puis donc à contre-cœur. Il est suspect aussi. Il suspecte Guenièvre d'infidélité à cause de ça. Il suspecte Guenièvre d'infidélité parce qu'il est là, mais alors si vous êtes si fan de Hider, alors pourquoi vous le mariez pas? Et puis du coup, Arthur, plus ou moins entre ses dents, et parce que Gauvin arrête pas de lui demander, il dit à Hider, faites-le revenir à la cour. Hider a pas très envie de revenir non plus parce qu'il se rappelle que Arthur, il dit Arthur s'est rappelé de moi finalement, mais au départ je l'ai sauvé et puis il en avait rien à fiche et puis il tenait pas ses engagements. Mais comme Gauvin insiste, basiquement, Hider est incorporé à la table ronde. Il faut préciser d'ailleurs, c'est à ce moment-là. Elle n'est pas sûre, alors Gwenloy n'est pas sûre que Hider aille mieux, mais enfin elle l'a quand même soigné. Par contre, Hider, lui, c'est pas du tout que c'est Gwenloy qui l'a soigné, quoi. Lugin dit ouais, on a trouvé un médecin sur le chemin, ah oui. Il vous a soigné. Mais le pansement temporaire de Gwenlo, donc qui est quand même plus actif que la femme, elle est un peu plus active que la femme standard de chevalier, oui, qui reste assise dans son château. D'ailleurs, on va voir qu'une fois qu'elle est à la cour d'Arthur, alors il y a une petite aventure d'abord de l'ours, mais après on verra qu'elle est quand même bien plus active. Mais donc à la cour d'Arthur, il y a donc l'incident dont on vous a déjà parlé. Tout va pour le mieux du monde, jusqu'à ce qu'un ours fasse irruption dans le gynécée de Guenièvre, plus ou moins. En fait, c'est une histoire d'un ours qui était en train d'être... Alors, je ne sais pas si il est en train d'être chassé ou s'il était simplement en train d'être montré en tant que qu'attraction. Mm-hmm. Mais il y a un épisode où cet ours, justement, fait irruption dans le... Il parle de le texte anglais parle... La traduction anglaise parle de Beabaters, mais je ne sais pas quelle est la traduction qu'ils utilisent en français. On est dans une situation où un ours échappé au contrôle des hommes arrive dans le domaine de Guenièvre, où se trouvent Gauvain et Hyder, justement. Mmh. Donc je vous lis le passage, peut-être. Donc les chiens l'avaient poursuivi, justement. Ils étaient bien en train de le chasser, il a tiré avec une telle force que son collier a été rompu. Donc il avait un collier. Est-ce qu'il était dompté avant? Oui, c'est ça que je me disais. Est-ce qu'il était en train d'être pourchassé après s'être échappé, justement, de... Voilà, est-ce que c'était une... Ouais, un combat de chien contre un ours dressé, effectivement. Est-ce qu'il était dans une ménagerie? Donc l'ours est extrêmement furieux, on peut comprendre. Les chiens, justement, il arrive dans l'appartement en grondant. Il était heureux de pouvoir se mouvoir. Hyder, qui ne voulait pas fuir, s'est placé debout devant l'ours et a porté sur lui son attention. Il essaye de l'aggro, là. Il a défendu contre lui tous ceux qui fuyaient, de sorte que s'il s'était écarté, quelqu'un aurait été frappé, qu'il aurait payé cher. Celui que l'ours aurait attrapé aurait été fort maltraité. La reine pousse des hurlements. Gauvin regarde s'il pouvait trouver dans l'appartement une arme ou un bâton au moyen duquel il aurait pu abattre l'ours. Il s'est dressé, l'ours, pour se précipiter car il avait perdu la vue. Donc là, apparemment, il est déjà blessé. Hyder s'est levé et l'ours l'a senti. Ils se sont tous les deux saisis de pareille manière. L'ours serre Hyder dans ses bras et Hyder en serre l'ours comme feraient deux lutteurs. Donc il y va à main nue. À Zangief, ouais. Ceux qui voient ça, on conçoit de la frayeur. L'ours a voulu prendre Hyder avec ses dents. Hyder l'a retenu à son gré autant qu'il le peut. Il le pousse avec violence l'induit, puis le renverse et le tient avec rudesse. Il le serre de si près, il pousse tellement à bout qu'il lui a enlevé la respiration, donc il essaie de l'étouffer. Et quand Hyder a dompté l'ours, il lui met une main sur la terre, l'autre main sur la peau du corps dans le dos, puis il l'a disposé de telle façon qu'il ne craint pas ses griffes. Donc il le tient de par son dos, puis du coup l'ours se frappe devant lui, aveugle, en hurlant, pendant qu'Hyder lui tient le dos. Le dos de l'ours était du côté du visage d'Hyder. L'appartement se trouvait non loin de la tour, qui était entourée d'un profond fossé, et l'appartement comportait de beaux emplacements. Donc je pense que vous imaginez où ça va. D'un côté, il y avait deux fenêtres, elles étaient larges comme deux portes. La moins large avait 7 pieds ou plus, avec des voussures délicatement sculptées. Hyder a tiré l'ours de côté, et bien que ça l'épuise fort, il le tire, elle le soulève avec force, et le lance dehors par l'embrasure. La tête de l'ours arrive à terre la première, avec une grande violence. Hyder a roulé l'ours en bas du rocher à travers le fossé. Là, les chiens peuvent le prendre. Si l'ours veut les attendre, il attendra, lui qui ne peut marcher. Il lui faut pour cela accomplir une grande chose. Il lui fallait forcément souffrir, car il ne peut bouger. Donc ouais, il fait la prise sur l'ours, puis l'expédie en bas la tour, quoi. Puis donc, forcément, on peut imaginer que la jalousie d'Arthur grandisse un petit peu de Hyder, qui accomplit cet exploit devant sa femme, dans les appartements de sa femme. Effectivement. Arthur n'est pas très « vous connaissez ma femme », lui. Il n'est pas très « vous connaissez ma femme ». Alors, pendant ce temps, Gwenlo décide qu'elle veut revoir Hyder. Et pour ce faire, décide en fait d'assiéger Talak. Elle se dit, elle a pas d'autre moyen de retrouver Hyder que. Elle se dit, si Talak est assiégé, maintenant qu'Hyder est à la cour d'Arthur, bah Arthur va honorer son serment et donc venir secourir Talak maintenant qu'ils sont réconciliés. Et vu qu'Hyder est à la cour d'Arthur, Hyder va venir avec la troupe. On l'a peut-être pas exactement dit, mais Talak justement est réconcilié avec Arthur parce que tout le monde est tellement triste que Hyder soit fait tuer par queue quand tout le monde le pense mort que bah finalement ils mettent tous leurs conflits de côté. Effectivement. Mais donc, Arthur refuse de venir à l'aide de Talak. Parce qu'il a promis d'aller aider la dame au château des pucelles. Exactement. Et donc... il dit, je peux pas aller aider Talak, je peux pas aller assiéger puis aller maintenant secourir Talak d'un siège deux fois de suite, vu que j'ai promis d'aller aider la dame. Je me battre contre Talak et ensuite le secourir, ouais. Il faut d'abord... Mm-hmm. Mais du coup, Gauvin et Yvain, eux, sont un peu en colère contre tonton Arthur, qui est un peu paresseux. Il faut quand même aller aider Talak. Allons aider Talak. Mais il décide de laisser Hyder derrière, parce que la blessure d'Hyder est encore fraîche, puis c'est battu contre un ours, c'est pas terrible de le prendre direct. Donc Hyder se sent immédiatement délaissé, il a un peu des problèmes de il a un peu la peur de l'abandon. On peut comprendre pourquoi il a été abandonné par son père, mais il est un peu... Il est très FOMO, comme ça, Fear of Missing Out. Non, c'est ça, il est très genre, alors ils m'aiment pas vraiment, ils m'ont laissé là. Ils sont cruels. Mais du coup, il décide de partir à l'aventure tout seul, en fait. sur le chemin, dans un bois, il tombe sur une demoiselle qui est en train de pleurer sur, qui est en train de pleurer sous plutôt son ami. Le cadavre d'un chevalier, en fait, l'étouffe. En fait, elle est écrasée sous son armure. Sur l'armure du chevalier. Alors, il la libère et ensemble. Ils marchent vers, enfin ils sont en route vers un château. La scène est assez triste et émouvante. On apprend qu'en fait le chevalier a été tué par des brigands dans ce coin-là, mais qu'elle l'a quand même vu agoniser sur elle, puis qu'elle a pas réussi à se dégager de lui. Et justement, il dit, j'aimerais une seule chose, c'est qu'on l'enterre dans une terre bénite. Et puis il dit. Du coup, il embarque le corps avec. Il embarque le corps avec, mais il dit, mais s'il a été confessé, puis il dit, oui, il a été confessé, mais comment? Bah, elle dit, je l'ai embrassé jusqu'à ce qu'il meure. Donc, quand même une scène assez. Oui, une confession. Entendre la confession, c'est quelque chose qu'a besoin d'un prêtre nécessairement. Voilà, qui a besoin d'un prêtre, mais là, justement, il dit, ah, c'était une confession d'amour. Et puis, bien sûr, il dit, l'amour, c'est plus fort que. Enfin, il y a un passage. Une scène assez triste où, justement, Ider qui pense à Gwenla, se commence à pleurer parce que. D'un côté, il est un peu, ouais, bon, elle est triste, d'accord, mais mon tourment est plus fort qu'elle parce que. Oui. En gros, parce que je suis un mec et je suis un chevalier, et puis elle, c'est bon, important. Mais du coup. Ils vont ensemble vers un château, ils tombent sur un château qui est quasiment vide en fait, sauf ils trouvent un nain en train de faire retirer une grue ou un oiseau en tout cas sur une broche. Il est en train de tourner, alors du coup il ne répond pas à Ider jusqu'à ce qu'Ider en fait essaie de perturber son travail, et là le nain est très fâché, il le frappe et il invoque son maître, et le chevalier accepte d'enterrer le corps de l'ami de la dame, mais il demande à Ider de partir. Il y a tout un quiproquo parce qu'en fait, basiquement, Ider s'est servi dans le feu avant même d'en avoir le droit. Donc le nain lui a balancé la broche à la tête, qui s'est cassé, la grue a voltigé, et donc Ider l'a récupéré dans un plat pour plus tard. Mais du coup, le nain l'accuse basiquement d'être. Il va vers son maître, il dit il est entré, il a volé de la nourriture, c'est un affront. Le type croit sur parole son nain. Alors que Ider dit plutôt ouais, mais votre nain n'a pas été poli, il m'a pas dit bonjour. Il m'a pas dit bonjour, et puis je savais pas quoi faire d'autre. Et puis du coup, il veut les foutre dehors, mais du coup, on apprend aussi que le chevalier a une amie qui est là, donc son amie qui est là. Et du coup, il dit à un moment, basiquement, Ider dit ouais, bah je prends votre amie à témoin, que si elle veut me donner l'hospitalité, puis l'ami dit oui. Puis alors, il dit ah, bah j'aurais pas dû me fier à ma femme, ma folle, et qui a femme, se fie, blablabla. Mais il doit accepter de les héberger, puis finalement, le nain va présenter des excuses, et puis ils vont se réconcilier. Bon, par contre, elle est un peu en colère contre Ider, qui l'a un peu manipulé comme ça. Que Ider l'ait invoqué comme ça, mais ouais, il... Mais en fait, ils vont expliquer pourquoi ils sont un peu pas terribles avec Ider, puis pourquoi ils vivent là, en fait. Mm-hmm. Ce chevalier et son ami servaient Gwenla jusqu'à ce que le chevalier a critique Gwenla parce qu'elle a rendu son amour pour Ider trop évident. Et du coup, il a été chassé de la cour. On apprend aussi, plus gros twist de ce roman, on apprend aussi l'identité de ce chevalier. Qui est Cligès, en fait. Bon, c'est clairement pas le Cligès de Chrétien pour moi. Enfin, il y a juste le nom en commun, il n'y a pas grand-chose d'autre en commun. Il n'y a pas grand-chose en commun, mais c'est le nom, c'est vraiment personnage minoritaire de Chrétien qui font un retour Ider, Cligès. Alors, Ider, du coup, est très content parce que du coup, ça lui révèle que Gwenla l'aime bien, alors qu'il ne savait pas, en fait, vu qu'il ne savait pas non plus que c'est elle qui l'avait soigné. Du coup, il décide de se réconcilier avec Cligès parce qu'il pense, et puis Cligès pense que Ider peut mener Gwenla à lui pardonner. Donc, du coup, Ider les laisse le chevalier mort et son ami derrière et va rejoindre Talac à Rougemont. Mais à Rougemont, l'armée est partie. Il reste juste une tente qui appartient à Gwenla et dedans. La fille qui est dans cette tente, on ne sait pas qui c'est, une jeune demoiselle, lui demande de demander à un chevalier qui se balade à proximité, qui n'arrête pas de passer devant la tente, quel est son nom. Et alors, Ider lui porte un défi, ils se battent en duel, ils sont à deux doigts de se tuer l'un l'autre, jusqu'à ce que Ider perdre en fait le chevalier tranche un sac. Il a une petite, en fait l'anneau la moitié de son père. L'anneau qu'il a gagné de son père, il l'a tranché dans un sac et le chevalier le tranche et Ider, au mépris de sa propre sécurité, se penche pour le ramasser et ça interpelle le chevalier qui se rend compte que en se penchant il s'est complètement exposé et qu'il aurait pu le tuer et il se dit bah il préfère cette pochette plus que enfin voilà il se rend compte que Ider tient tellement à cette pochette que même au péril de sa vie il la prend. Et en fait, il va lui s'arrêter et lui demander « Mais pourquoi vous avez pris ça ?» Et il va révéler « Oui, bon, dedans, il se trouve un anneau dont la moitié appartenait à mon père. Et il a abandonné ma pauvre mère. » Et en fait, on peut reconstituer vraiment à l'œil nu la scène de sa mère qui lui donne l'anneau. « Your father was a good man. » Et du coup, résultat des courses, en entendant ça, bien sûr, les sœurs, parce que le chevalier, car c'était lui, c'est bien sûr Nuke, le père, ou Nut. Il dit « Regarde, j'ai une moitié d'anneau. » Puis ils mettent les deux moitiés en question. Puis effectivement, il a retrouvé son père. C'est bien le père de merde. Newt apprend à Hyder qu'il n'a jamais aimé d'autres femmes que la mère d'Hyder, donc il fait vœu de la retrouver et puis de l'épouser. Justement, il lui courait après parce qu'une dame voulait connaître le nom de ce chevalier et puis le draguait, puis non, mais non, c'est moi, je vais marier votre mère que j'ai juste fui pendant 17 ans sans aucune raison. Du coup, Hyder fait savoir ça à Gunla et le père et le fils retournent au château de Cligès. Où ils sont accueillis. On explique pourquoi Gunla en fait a abandonné les sièges parce qu'elle était juste un peu déçue parce qu'il y a juste Yvain et Gauvin qui se sont pointés pour l'aider. Donc du coup elle dit non, bon on va arrêter de faire le siège. Puis je me demande pourquoi ils sont. C'est très Camelot compatible comme épisode. Ouais, c'est curieux. Du coup elle revient à sa tente à ce moment-là où Hyder avait trouvé la jeune fille toute seule et elle apprend ce qui s'est passé avec Hyder et Nuke et décide de se rendre à la cour d'Arthur. Et lui, Hyder et son père, lui, quittent Cligès et se retrouvent à Carlion, où, justement, se trouve Arthur avec Guenièvre. Et là, Arthur, toujours un peu... pas de la meilleure humeur par rapport à Hyder. Hein. Non, là, Arthur est vraiment présenté de façon très négative. On a vu qu'il était un peu négligent au début, mais ça, on se formaliserait pas tant que ça. On dirait, bon, ben, le roi Arthur est négligent, mais il va apprendre et puis il va revenir sur ses erreurs. Ben, justement, on a vu qu'il essayait de tenir un peu plus ses engagements. Mais là, il est vraiment extrêmement jaloux. Il a une extrême jalousie envers Hyder. Il est vraiment très hostile à lui. Il commence à se faire des idées sur le fait que Guenièvre voudrait le tromper avec lui ou le trompe avec lui. Et donc, il commence on a tout un live sur la jalousie, à quel point ça corrompt les gens et à quel point les jaloux ne sont jamais heureux, etc. Il y a un côté très Othello, d'ailleurs. Le discours utilisé était presque... J'aurais pas été surpris d'apprendre que Shakespeare avait lu ça, puis l'utilisait dans le discours de Iago sur « Beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster that doth mock the meat it feeds on ». Il y a vraiment ce côté, le jaloux est malheureux... Il est encore plus s'il aime la personne. Il y a vraiment tout un laïus comme ça extrêmement triste et blasé sur la jalousie. Mais donc Arthur est jaloux et donc il est extrêmement c'est un personnage extrêmement négatif. Mais surtout c'est frappant comme tu le disais parce que d'habitude Arthur est cocu, oui, à Lancelot, Guenièvre, etc. Mais d'habitude il lui faut vraiment genre 50 ans et puis qu'il le voit de ses yeux pour qu'il le croit. D'habitude il le croit absolument pas. Là par contre au moindre soupçon d'Hyder, il pète un câble. Donc il voit Guenièvre et il lui dit « Madame, qu'est-ce que vous feriez si je mourais ?» Puis Guenièvre dit « je mourrais instantanément, je ne vivrais pas un jour de plus. Mais si vous deviez reprendre un mari, puis non, je ne reprendrai jamais de mari. Parlons pas de ça, parlons pas de votre mort, c'est pas un sujet sympa. » Puis il dit « Non mais si d'un seul coup vous étiez forcé, quelqu'un vous contraignait par la force de prendre un mari, qui est-ce que vous supporteriez le mieux ?» Puis alors, elle dit « Ouais, ben... si j'étais forcé, sous peine de perdre ma tête, etc., je pense que c'est Hyder que je supporterais le mieux. » Puis Arthur qui est là, « Ah ah, je le savais, ça peut très bien se passer, je savais que vous l'avez vu au tournoi de Rougemont et vous l'avez admiré, et maintenant vous ne pouvez plus taire votre cœur, je savais que vous... » Puis donc il laisse Guenièvre en pleurs, éplorer, parce que non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Puis donc Arthur maintenant va concevoir basiquement un plan machiavélique pour tuer Hyder. Donc ils entendent parler apparemment de trois géants, plusieurs géants qui tuent des chevaliers, qui mettent des pieux autour de leur baraque, et puis qu'il y a des têtes de chevaliers, des centaines de têtes de chevaliers autour de leur maison. Et Arthur se dit, Gauvin, que Hyder, venez, on part à l'aventure. Puis c'est assez marrant, quand il veut partir à l'aventure, il dit, Gauvin, vous allez venir avec moi, et puis avec le chevalier qui affole les dames et qui se fait adorer par les dames. D'accord, mais je vois pas qui vous parlez. Mais vous savez, le chevalier dont toutes les dames sont folles. Puis il dit, mais il faut que vous me disiez un nom parce que je vois pas qui... C'est Hyder, le meilleur chevalier. Enfin, non, il dit, c'est le meilleur chevalier. Puis il y a Gauvin qui dit, ah, Hyder, bon, ok, allons-y. Et ils vont donc en chemin croiser Gwenloï, qui les croise. Ils se voient, Gwenloï et puis Hyder, et puis ils sont absolument transis l'un de l'autre. Ils sont extrêmement amoureux. Et puis... Gwenloï va basiquement court-circuiter leur quête parce qu'elle dit « Ah Arthur, je venais justement à ta cour pour obtenir un mari. Et tu sais quoi, en fait, une bonne idée, c'est que ces fameux géants, dont apparemment je suis au courant, ils ont un couteau, une espèce de couteau merveilleux dont le manche est en corne de vipère et puis il est vraiment grand et beau. Et celui qui me ramène ce couteau pourra m'épouser peut-être. » Et puis Arthur dit « Ah bah très bien, faisons ça. » Et donc, ça fait très cool au Réolwen. C'est il faut que tu ailles prendre le peigne du géant Isbaden pour. Il faut que tu ailles prendre le truc du géant machin pour épouser la dame. Je comprends les gens qui voyaient un truc archaïque derrière, même si probablement pas. Donc, ils arrivent après un long voyage à la demeure des géants. Arthur dit allez-y, allez voir ce qui se passe. que faire la reconnaissance. Faire la reconnaissance, mais il est tellement terrifié qu'il se planque dans un coin d'une fortification de bois, en fait, dans un espèce de cabanon, et il veut pas bouger. Donc, Arthur et compagnie n'entendent plus rien, ils savent pas ce que Queue est devenu. Arthur dit, bon ben, Ider, allez-y. Puis alors, Ider, il y va, mais lui, Ider, par contre, effectivement, il est héroïque, donc il fonce vers les géants, il se bat contre le premier, il lui plante, il réussit à tuer le premier en lui transperçant le cœur, il se bat contre le deuxième, il arrive à lui couper le bras, enfin, il arrive à vaincre les géants qui s'effondrent, qui détruisent tout, qui étaient en train de faire retirer un truc sur le feu. Une scène qu'on avait aussi vue dans Geoffrey, je crois, où on avait justement des... Des maisons de géants. Dans le Bel Inconnu, en tout cas. Il y en a régulièrement. Mais Geoffrey, il y a aussi des maisons de géants un peu magiciens. Dans Geoffrey, il y a des maisons de géants qui sont associées aux lépreux. Et puis le Bel Inconnu, c'est plutôt des géants qui sont justement la scène du Hobbit, en fait, où ils sont autour d'un feu la nuit et puis il faut aller les voir. Et qui ont des victuailles, qui ont vraiment des grandes réserves de bouffe. Et là, c'est la même chose. Donc Geoffrey arrive à les battre, ça fait un tintamarre. Ider, tu veux dire. Pardon, Ider arrive à battre les géants, ça fait un tintamarre pas possible. Que reste planqué dans un coin. Mais une fois qu'il a fini, il s'assied à côté du feu et il commence à nettoyer son épée. Parce que, un détail que j'ai trouvé marrant, il nettoie le sang de son épée en la passant dans les flammes, sur les braises en fait. Il récupère le couteau en passant aussi d'ailleurs. Il récupère le couteau. Il le met dans un placard, en fait. Il l'emballe dans une pompe, il le met dans un placard de côté. Il le planque temporairement, puis il attend. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup venu sur la psychologie. On a pas mal de place sur la psychologie d'Ider. Là, c'est pas vraiment dit, mais on peut l'interpréter comme une espèce de méfiance. Le fait qu'il sorte pas immédiatement pour dire aux autres j'ai réussi. On peut interpréter ça comme une espèce de méfiance envers Queue et Arthur et compagnie. Et puis Arthur et les autres décident finalement de rentrer. Ils se disent, bon. C'est dommage qu'on n'ait pas attendu, on ne soit pas allé avec lui, mais bon, on est quand même plus nombreux que les géants, donc on devrait réussir. Et il découvre en fait que Ider est bien là, en bonne forme, et il découvre aussi Queue qui se cachait en attendant la fin du combat. C'est assez, on voit en fait qu'Arthur a un assez mauvais esprit, parce que quand ils entendent enfin le silence, Arthur se dit « Yes, j'ai réussi à buter Ider », et puis peut-être aussi qu'il est content de se débarrasser de Queue, parce que là, il cause que des problèmes. Et puis c'est Gauvin qui dit « Non, allons-y, nous devons venger nos amis, ou bien soit venger nos amis, soit aller les récupérer ». Et donc, il mange, il découvre des victuailles à profusion, des lards, des rôtis, des jambons énormes dans les placards des géants. Il mange bien, et puis Ider a vraiment très soif, et il dit « Ah, mais Queue, qu'est-ce que je vais faire pour cette soif ?» Puis Queue dit « Je vais aller vous chercher de l'eau, parce que je connais la région, Queue, il a pu les guider là, parce qu'il connaissait la région, et il connaissait cet endroit. » Et il dit « Il y a une fontaine pas loin. » Et donc, il prend un bac en bois pour aller chercher de l'eau, et il va passer à côté de la première fontaine, puis il dit « Non, en fait, vous savez quoi ? Il y a une autre fontaine qui est empoisonnée. » Apparemment, il connaît ça, et donc il y a une autre fontaine qui est empoisonnée, il y a l'herbe qui est toute sèche autour, et il prend cette eau-là, et il la donne à Ider. Et Ider, il boit l'eau, et immédiatement, il gonfle, et il devient tout noir. Genre, il noircit, et il gonfle de façon qu'il est vraiment plus reconnaissable. On reconnaît même plus vraiment que c'est un être humain, tellement il a gonflé. Vous rappelez, dans Lancelot en prose, il y avait un passage où Lancelot avait un truc un peu similaire, où il avait bu une eau empoisonnée, puis il gonflait énormément. Et donc, Arthur, Gauvin et Queue se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis il y a Queue qui dit « Ah bah, vous voyez, il s'est battu contre les géants, et puis clairement, les géants, ils avaient des armes empoisonnées ou quelque chose, et puis il a été empoisonné par les géants. Ah bah, il a réussi, mais bon, c'est pas de bol, bon, on doit rentrer, on doit le laisser là, quoi, il est mort, on peut plus rien faire pour lui. » Donc, Gauvin, Yvain, et je crois que je l'ai pas dit, Yvain... Yvain fait aussi partie du voyage, je crois que j'ai pas mentionné Yvain. Ils sont extrêmement tristes, ils s'effondrent l'un sur l'autre, sur le corps d'Ider, ils sentent pas vraiment son pouls, Queue dit non mais on doit l'abandonner, ils le laissent là. Heureusement, il est récupéré par des enfants par le roi d'Irlande qui se balade par là, et ses deux fils apparemment. Enfin, c'est les deux fils du roi d'Irlande qui rentrent, je sais pas si le roi est avec eux, mais en tout cas les deux fils, Camelin ou Camerlan, et puis Mirouette. Et d'ailleurs le roi d'Irlande s'appelle Alfred, peut-être Alfred, c'est un peu curieux pour un roi d'Irlande. Mais... Mirouette Cacahuète, on pourrait presque dire. Mirouette Cacahuète. Et les deux fils du roi d'Irlande ont avec eux des herbes magiques, enfin un peu de l'Atlas, en fait, très, très Aragorn, qui leur permettent de soigner, ils reconnaissent la cause de l'empoisonnement, et ils trouvent la source empoisonnée à proximité, et ils déduisent qu'effectivement, quelqu'un a essayé d'empoisonner Ider. Ils le guérissent. Il parle avec Ider, et puis il a réussi à reconstituer qu'effectivement, c'est Queue qui lui a donné de l'eau à boire, et qu'il a donc empoisonné. Il décide de retourner à la cour, Ider se rappelle de prendre le couteau. Oui, on nous dit régulièrement, d'ailleurs, rien au monde n'aurait permis à Ider d'oublier le couteau à deux reprises, en fait. Mais... chaque fois qu'on voit le couteau, on dit, ah, bien sûr, Ider n'allait pas l'oublier, même dans tout le moment, quoi. Mais du coup, Gwenloy arrive à la cour d'Arthur, elle demande des nouvelles du couteau des géants. Arthur était trop content qu'Ider soit mort, et Arthur et Queue étaient trop contents qu'Ider soit mort, et Gauvin et Yvain étaient trop tristes qu'Ider soit mort pour se rappeler de prendre le couteau, donc personne ne peut épouser Gwenloy. Et en fait, pendant ce temps, il y a les chevaliers, les fils du roi d'Irlande qui vont débarquer à la cour parce qu'en fait, Ider est repassé chez Luguin. Il repasse chez Luguin, puis il dit justement « Je suis vivant » parce que tout le monde pense de nouveau qu'il est mort. Luguin est à la cour d'Arthur, en fait, mais il ne le sait pas. Mais du coup, il dit à son père « Voilà, je suis vivant ». Puis il voit que le domaine est prospère maintenant grâce à tous les chevaux qu'il a envoyés, etc. Mmh. Il a pu les sauver. Il reste 3 jours à faire la fête là-bas. Puis le 4e jour, il se remet en route pour la cour. Mais du coup, entre-temps, les chevaliers d'Irlande sont arrivés à la cour et ils ont dit non seulement que a empoisonné Ider, mais en plus on a la preuve parce qu'on a été vers la source empoisonnée, on l'a trouvée et j'ai vu par terre un verre, donc j'ai versé le poison sur le verre et j'ai vu immédiatement le verre devenir tout noir et gonflé, donc c'est clairement le même poison qui a empoisonné Ider, et son témoignage l'accuse. Donc Gauvin pète un câble de nouveau puis dit que tu as de nouveau tué Ider, et il dit Arthur, et il défie que en duel en fait, il dit il donne son gant, il dit je vous donne mon gage et je vais le défoncer sur le champ de bataille. Heureusement, Ider arrive avec le couteau, il peut prétendre à la main de Gwenloï qu'il lui donne, et puis du coup, il peut pardonner à Queux et à Arthur. Arthur, il est peut-être pas au courant de sa malfaisance, parce que c'est plus caché, mais il peut pardonner à Queux. Son père, Nuc, peut épouser sa mère, enfin rentrer dans les liens du mariage. Et ça se finit un peu sur une espèce de note joyeuse. Et peut-être qu'Arthur est lui-même content parce que justement, si Ider se marie avec Gwenloï, il se dit ah ben c'est bon, il va foutre la paix à ma femme. En plus, il va être roi avec Gwenloï, donc il lui donne l'onction de roi. Voilà. Donc il peut être loin de Camelot, loin de Carlion. Voilà, aucun risque. Ils disent s'il épouse une reine, il faut qu'il soit roi. Et donc il pardonne à Queux aussi. Bah justement, il lui pardonne pour ses deux tentatives d'assassinat. Mais c'est de très loin, à part peut-être Perlesvos où Queux tue littéralement le fils d'Arthur, c'est un des... C'est un des passages les plus, où on voit Queux de manière plus vicieuse. On le voit souvent insulter des gens tout le temps, tabasser des gens parfois. Mais là, empoisonner quelqu'un et le blesser en traître, c'est vrai que ça va assez loin. C'est la vengeance Raguidel où au début il tabasse un valet, puis il le court après parce qu'il n'a pas vu les anneaux qui avaient été pris. Mais là, vraiment, avec justement, bah oui, le père Lesfos, où il tue littéralement le fils d'Arthur, c'est un des plus vils. Et le portrait d'Arthur, extrêmement sombre, littéralement, qui dit, littéralement, on va aller buter des géants parce que probablement Kider va se faire buter à ce moment-là, quoi. Il essaie de se débarrasser de lui. Non, vraiment. Je crois qu'on a fait la blague plusieurs fois, genre, ouais, Arthur essaie de se débarrasser des chevaliers en les envoyant en face. Mais là, explicitement, il le fait. Mais il y a ce côté vraiment. On comprend assez facilement qu'il soit associé avec Jean Santerre, le mauvais roi, parce que c'est vraiment le portrait d'un roi ultra négatif. Arthur n'est pas souvent utilisé comme le roi. Enfin. Arthur est moins souvent qu'on le pense utilisé comme le bon roi par excellence, parce qu'effectivement, souvent il a un côté assez négatif. Il a un côté négatif. Mais là, parce qu'il est de loin le plus négatif que j'ai vu, en tout cas dont je l'ai vu dépeint, quoi. Pour l'instant. Mais c'est souvent il est négatif, mais c'est plus il est mélancolique, ou il s'ennuie, ou il néglige sa cour, ou bien il fait quoi les mauvaises personnes aussi. Il écoute les mauvaises personnes. Typiquement dans les morts d'Arthur, Agravin et tout. Voilà, il est pas. Bah voilà, les morts d'Arthur, c'est quand même beaucoup plus humain, quoi. On comprend assez facilement. Là, c'est le méchant de cartoon, quoi. C'est le méchant de cartoon. Et surtout, il est jaloux sans raison. C'est même pas comme si c'était. Parce que Lancelot, il est fâché pour l'adultère de Guenièvre. L'adultère, il existe. Là, c'est vraiment à partir d'un soupçon qu'il a lui-même créé. Le texte le dit d'ailleurs justement, quand on est jaloux et qu'on cherche des raisons d'être jaloux, on en trouvera toujours. Donc, ça, c'est assez intéressant comme thème, la jalousie, parce que justement, d'habitude, il n'est pas vraiment si exploré que ça. Et quand même, une histoire assez intéressante, quand même. On a vu beaucoup de parallèles qu'on ne s'attendait pas, donc des combats contre des géants assez classiques, des combats avec des broches de bouffe. Sur la dimension parodique, je pense Fergus prétend beaucoup plus à la parodie, parce qu'il y a des passages qui sont clairement beaucoup plus burlesques. Je n'irais pas jusqu'à dire la parodie, moi je dirais peut-être le pastiche. Un côté un peu cartoon, donc il y a beaucoup des gens qui se tapent dessus avec des massues par exemple, ça c'est quelque chose qui est très... Le père de Fergus qui va le tabasser, ou lui qui tabasse le cheval pour le dompter, ou lui qui a sa propre massue et qui est là « je vais devenir un chevalier !» Enfin. Côté beaucoup plus burlesque, en tout cas. Ider a 2-3 scènes comme ça, donc notamment avec le nain qui se bat avec la broche de bouffe, mais c'est un texte qui est quand même fait de façon assez univoque et sérieuse et standard pour ce genre de texte. La fin est un peu en queue de poisson, je trouve, parce que justement, bon, ok, on se réconcilie avec Queux qui a essayé de le tuer 2 fois, ça a l'air un peu vide, peut-être. Du coup, ça conclut notre récapitulatif et notre portrait de ces 2 œuvres relativement peu connues, relativement peu. C'est vraiment marginal. On a dit 2 manuscrits, 1 manuscrit. C'est assez niche comme texte arthurien. Mais très riche. Surtout Ider, je pense que ça peut être un sujet intéressant si vous voulez faire un, un travail universitaire dessus. Il y a de quoi explorer IDER, à mon avis. Je pense qu'il y aurait l'occasion de faire une édition un petit peu plus portable et élégante que celle-ci aussi. Pareil pour le Fergus, d'ailleurs. Ça pourrait être l'occasion... Extrêmement mal édité en France, les deux. Hein. C'est assez terrible. Ça pourrait être l'occasion d'une espèce d'anthologie, justement, ces histoires de chevaliers. Après, c'est assez redondant les unes avec les autres, mais ça pourrait être... Parce que cette année, justement, on va voir plus de petits textes, de romans isolés. Souvent, ces romans qui mettent en scène Gauvin et ses potes pour faire ce genre de choses. Gauvin et ses frères. Gauvin et ses frères. Et la prochaine fois, justement, on regardera L'âtre périlleux, ou le cimetière périlleux, souvent on dit L'âtre périlleux, qui est une aventure de Gauvin aussi. Que on va pouvoir vous faire découvrir aussi dans cette veine-là. D'ici là, on vous souhaite un très bon mois de février et surtout n'oubliez pas, la quête continue. Thank you.